Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 44. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à l'adresse email suivante, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. J'invite également nos auditeurs qui ne l'auraient pas fait à s'inscrire sur le forum Europe Écologie Les Bruns à l'adresse suivante eelb.su eelb.su. C'est l'occasion pour vous de pouvoir commenter les articles qui sont publiés sur le site de Démocratie Participative. J'en profite d'ailleurs pour préciser ici, pour ceux qui ne le saurait pas encore, normalement vous le savez, mais la nouvelle adresse du site, c'est démocratieparticipative.lol, L-O-L. N'hésitez pas à le faire savoir à vos amis, à vos contacts qui ont l'habitude d'aller sur le site et qui ne le trouvent pas, ou voilà, par acquis de conscience, n'hésitez pas à faire connaître le nouveau nom de domaine, un certain nombre de personnes ne le retrouve pas, voilà, donc n'hésitez pas. Enfin, je vous recommande vivement de vous inscrire sur le réseau social gab.com qui offre l'avantage, comme vous le savez peut-être, de ne pas censurer ses utilisateurs, à la différence de Twitter ou bien évidemment de Facebook, où la censure est devenue vraiment la règle. Et ça devient très difficile d'utilisation. Alors avant de remercier nos donateurs de cette semaine, je tenais à présenter comme de juste les participants. Je vais commencer avec Pierrot qui nous fait le plaisir d'être avec nous, en tout cas pour la première partie de l'émission. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tous. Nous fait aussi le plaisir d'être avec nous cette semaine, Fulbert, comme chaque semaine. Comment vas-tu, cher Fulbert? Ah, Fulbert va bien. Bonjour, Gandalf. Et bonjour à tous. Est avec nous aussi cette semaine, Porovitch. Salut, Poro. Ben, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour. Salutations hitlériennes à tous. Oui, oui, ça va très bien. Formidable. Également avec nous cette semaine, Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Et enfin, son éminence, le cardinal de négrolatrie, professeur aussi de négrologie. Grâce à lui, nos auditeurs ont considérablement progressé quant à la connaissance d'un sujet de plus en plus important dans la vie française, qui est le nègre, hein, puisque d'ailleurs Emmanuel Macron a précisé une nouvelle fois cette semaine que la France avait une part d'Afrique en elle, ce qui est un fait, hein, aujourd'hui purement objectif. Comment vas-tu, cher Derek? Bah, écoute, ça va très bien. Hein. Le président de la République met en place les bases d'une pratique du culte. Religion d'État, oui, c'est bien. Oui, c'est une forme évolutive de la laïcité, hein. C'est l'étape au-dessus. Après, la neutralité, On revient aux fondamentaux de des valeurs de la République. Tout à fait. Alors, messieurs, avant de commencer cette émission, je voudrais quand même remercier nos donateurs qui rendent possible tout ce que nous faisons, que ce soit sur le site, l'émission, bien évidemment, et tout le reste. Premièrement, les dons que vous pouvez nous faire le sont exclusivement en Monero depuis 2 ans maintenant. Monero qui est la monnaie, la crypto-monnaie la plus sûre, la plus sécurisée, celle qui offre un anonymat total entre ceux qui envoient de l'argent et ceux qui en reçoivent, ainsi que son montant. Et c'est un avantage considérable, et je crois que dans les mois et les années qui viennent, ça sera de plus en plus vrai. Vous ne manquerez pas de l'observer, on aura sûrement l'occasion de discuter de ça d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission. Donc je ne saurais que trop vous inviter, à la fois si vous souhaitez nous soutenir, mais aussi pour vous-même, à vous familiariser avec cette crypto-monnaie, donc Monero. Ce n'est pas très sorcier, et ensuite vous pouvez en faire l'usage, comment dirais-je, pour les années qui viennent. Donc ça nécessite un tout petit peu, 1 heure ou 2 de familiarisation, et ensuite ça roule tout seul. Donc n'hésitez pas, j'en profite aussi pour demander à Salade de Fruits de nous contacter dès qu'il le pourra. J'espère qu'il recevra ce message. Don numéro 1. Je suis lecteur de DP depuis environ 3 ans et demi et auditeur de l'émission depuis près de 3 ans, je pense. Merci pour votre travail de décryptage des sombres projets des marchands du temple et de leurs bras armés que sont les marchands de tapis. Après m'être penché sur le sujet plusieurs fois, je crois bien avoir réussi à vous faire un don de 0,99 Monero. Donc on en verra confirmation du don après réception. Ce n'est pas simple quand on n'est pas familier des crypto-monnaies, mais tout à fait réalisable lorsqu'on prend le temps. J'ai désormais bien l'intention de renouveler ce don, ce sera beaucoup plus simple et ça me permettra de ne pas oublier la procédure. C'est un rapport gagnant-gagnant. DP reçoit un financement pour continuer à lutter face à l'ogre sémitique et je suis désormais mieux outillé pour me soustraire au contrôle de Big Brother. Longue vie à démocratie participative et aux blancs fiers et dominateurs. Et c'est le Bolnoï. Voilà, bah ça c'est un exemple concret de quelqu'un qu'on a convaincu d'essayer la crypto-monnaie Monero, qui la maîtrise. Et voilà, et ça c'est très très important vraiment pour la suite. Vous aurez besoin d'un moyen d'échange de capitaux, pas nécessairement très important les capitaux, hein. Ça peut être 100 euros, 400 euros, 500 euros que vous voulez envoyer à quelqu'un sans avoir à expliquer quoi qu'est-ce aux autorités, et ben vous passez par Monero, voilà. Et ça c'est intraçable. Je vous invite vraiment à vous familiariser avec ça, c'est un outil très avantageux pour nous tous, surtout vu la forme, la dérive à laquelle on assiste. Donc merci en tout cas à Bolnoï, hein, ça va sans dire. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe, ce petit message pour vous informer de mon premier don de 10 euros en Monero ce jour. Merci de m'avoir converti à l'utilisation des crypto-monnaies. Je pense comme vous qu'elles vont devenir indispensables pour se protéger des voleurs judéo-globalisés. Je vous ai découvert à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, alors que la France était représentée en Russie par une surprenante équipe de bamboula d'origine malienne, congolaise ou sénégalaise, et dont la tête d'affiche reste un improbable mélange typiquement républicain de Camerounais algériens, le patriote précoce Mbappé. Un grand merci pour votre travail, vos analyses et vos décryptages qui me permettent de garder la foi en un avenir plus rose que celui que la clique hébraïque réserve aux occidentaux. On a encore une fois converti quelqu'un à l'usage du Monero, c'est très positif. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui nous font des dons et qui ne se manifestent pas, qui restent dans l'anonymat, dans la discrétion, qui ne nous envoient pas d'email, mais on sait que vous êtes là et que grâce à vous, tout ça peut continuer. Et je pense que dans les mois et années à venir, ça va devenir beaucoup plus rock'n'roll de tenir la barre. Alors messieurs, commençons l'émission. Rubrique numéro 1, chers amis, courrier des lecteurs. Bien le bonjour à vous. Je vous écris depuis l'heure bleue, c'est-à-dire la Réunion. J'aimerais vous faire part d'un truc qui m'a abasourdi dans mon boulot et dont vous n'avez pas connaissance, je pense, du moins j'espère, pour votre santé mentale. Donc voilà. Alors, je ne peux pas trop préciser les choses, mais voici ce qu'il nous dit. Alors, je soigne du nègre. Super. Jusque-là, tout va bien. tout est parfaitement républicain. En ce moment, je suis dans un service littéralement bourré de Mahorais et de Comoriens. En vérité, il s'agit de 98% des patients à vue de nez. Quand des Mahorais ou des Comoriens viennent, on appelle ça des évacuations sanitaires, évasants. D'accord ? Donc ce sont Evasan, d'accord. Donc ce sont des Mahorais et des Comoriens qui sont envoyés à l'île de la Réunion, d'accord ? Bien. Maintenant, accrochez-vous bien à vos slips. À mon troisième jour de poste dans ce service, une bougnoulette infirmière me dit en aparté. Et tu sais, la chambre 3, il faut faire gaffe qu'elle fugue pas. Je fronce les sourcils, ne comprenant pas bien. Elle ajoute. Oui, tu sais, c'est l'Evasan. Tout à l'heure, elle m'a demandé si c'était terminé. Je ne comprends toujours pas, sans doute un peu niais, cucu ou simplement naïf. Là, elle m'explique. Lors des Evasan, il arrive que le nègre ne soit pas français, je ne savais pas, c'est-à-dire qu'ils viennent des Comores. Les Comores sont des îles nègres musulmanes étrangères, pas loin de Mayotte. Mayotte est une île française, musulmane aussi, depuis Sarkozy. Des Comoriens vont donc à Mayotte, sans papier, ils ne sont donc pas français. De là, on les envoie à La Réunion se faire soigner, gratuitement, enfin, pas tant que ça, puisque c'est vous qui payez, c'est gratuit seulement pour eux. Donc, ces Comoriens ne sont pas français, mais on les amène quand même à l'hôpital réunionnais par le biais d'une EVASAN. Par quel processus magique cela est-il possible? Eh bien, figurez-vous qu'on donne la permission temporaire aux EVASAN comoriens, donc pas français, de se faire soigner à La Réunion le temps de leurs soins. Après ça, on les fout dans un avion et on fait ce qu'on appelle un retour d'EVASAN. Le nègre retourne dans son trouara, c'est-à-dire son île. Mais, et c'est là tout le subterfuge juif que je vais vous révéler, vous n'étiez peut-être pas au courant, dans les faits, les nègres non français arrivant par le biais d'une EVASAN fuguent. Oui, ils fuguent, ils s'enfuient, ils se cassent à la fin de leurs soins. Merci Kongoy, j'ai bien profité de ta thune, au revoir pigeon. Et comme si ça ne suffisait pas, avant de fuguer, ils volent tout ce qu'il y a dans la chambre d'hôpital. Draps, services de table, serviettes, parfois des chaises, enfin tout. Donc pour vous résumer, on importe des nègres illégaux sur le territoire français, en sachant sciemment qu'ils vont se barrer. Ils se barrent. Et on se retrouve comme ça, avec des milliers et des millions de nègres banania bananiou, pas français, musulmans, j'ai oublié de le préciser, qui nous envahissent. Et ensuite, à la téloche, Macron va nous servir son blabla à la sauce « luttons contre l'immigration clandestine », alors qu'on amène en toute connaissance de cause des migrants illégaux chez nous, par des moyens parfaitement légaux, donc l'EVASAN. Revenons-en à la négresse venue par EVASAN à La Réunion, qui disait « est-ce que c'est terminé ?» Pourquoi dit-elle cela? Eh bien, c'est simple. Elle demande si ses soins sont terminés. Pourquoi ? Pour savoir si elle peut se barrer, s'enfuir. Si on répond oui à sa question, est-ce que c'est terminé? Eh bien, dans les 10 minutes, elle disparaîtra et ne prendra pas son avion en direction les Comores. Et oui, les chirurgiens, couillons ou plutôt faisant semblant de l'être, nous demandent de ne jamais donner de date précise de fin de soins pour pas qu'ils soient prévenus de leur retour d'EVASAN, c'est-à-dire de leur retour aux Comores. Mais les nègres ne sont pas si cons. Ah bon, direz-vous. Ils savent qu'ils n'ont plus de soins. L'infirmière passe de moins en moins souvent dans la chambre, leur plaie est plus belle, bref, ils savent très bien, et se barrent avant que ne sonne le glas. Voilà donc cette charmante nouvelle. Vous aimez savoir où va votre fric? Eh bien voici où il va, mes amis. Quant à moi, j'apprécie de savoir que mon travail participe à mon grand remplacement, cela entre deux chansons du Coran retentissant dans les couloirs de mon service. Oui, oui, les nègres passent des chants coraniques en haut-parleur dans les couloirs de l'hosto. À bientôt pour de nouvelles aventures choco-négrelatées. À bientôt et vive la France. Alors, notre auditeur se reconnaîtra, bien sûr. Je vais me tourner tout de suite vers Derek. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il est conquis par cette belle histoire de... une belle histoire de reconquête républicaine, j'ai presque envie de dire. Alors, on apprend, c'est marrant, hein. ça fait des années qu'on parle de tous ces sujets. On a consacré même au moins une émission à Mayotte, à La Réunion, où Diabolix d'ailleurs avait particulièrement brillé. Mais on découvre toujours une nouvelle perle, il y a toujours un petit truc qu'on ne connaissait pas, il y a toujours un petit joyau républicain comme ça qui ne demande qu'à être découvert, il suffit de fouiller un peu et on en trouvera. Et voilà. Alors, cher Derrick, oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? On sait que ces nègres, ces races de boue nous envahissent, ça, bon, ils viennent, on les accueille, en tout cas, ils repartent jamais. Mais c'est pas aussi simple. Hein. Ce qui se passe, comme là notre auditeur dans ce cas précis nous l'a montré, c'est que en plus donc de venir nous envahir, ils viennent occuper des personnels médicaux. Donc ça coûte du pognon. Hein, un hôpital, l'infrastructure, les médecins, les infirmières, etc., etc. Quelques milliers d'euros, je pense. Je pense que ça doit coûter au moins, par jour, hein, au moins 1 000-1 500 euros facile. Hein, l'hospitalisation. En plus, c'est dans les dom-toms, donc ils doivent avoir des. Si c'est des fonctionnaires, ils doivent être payés double, triple. Ouais, donc au moins, allez au doigt mouillé, 3 000 balles par jour. Hein, assez, je pense qu'on ne se trompe pas en étant. En étant dans cette fourchette-là. Donc, c'est formidable. Hein. Donc, ils viennent, ils mobilisent tout un tas de pognon gratuit, n'est-ce pas, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'argent gratuit qui va comme ça, qui s'évapore. Ça fait tourner la machine. Il y a des gens qui bossent, hein, au final. Mais bon, eux, ils ont le droit de... Ben, ils ont le droit de rien. Hein, les gens qui bossent, ont droit de laisser faire, de regarder, et puisque tout ça, là, ce sont des traitements qui sont en rapport avec les valeurs de la République et les droits de l'homme, hein, les doigts de l'homme. Donc il n'y a rien à faire. Tout ce qui peut se passer, c'est effectivement, quand un nègre arrive, tu vas dépenser du fric à plus savoir qu'en foutre, hein, tu lâches le... Comment ça s'appelle le... Ouais, tu lâches les vannes, quoi. Tu ouvres les vannes, et au final, ben, le type ne repartira jamais, et tout ce que tu peux faire, ouais, c'est faire des trucs, on va faire des comités, on va les reconduire, on va les... des centres de rétention administrative, donc on va construire des trucs, on va les parquer là, ça va coûter du pognon, puis après ils vont sortir, parce qu'ils partent pas, hein. Ils partent jamais, il n'y a aucun nègre qui part, allez, peut-être, on en fait partir peut-être une centaine, ou par mois ou pas, je sais pas, mais c'est de l'ordre, c'est cet ordre-là, hein, c'est du millier. Ouais, c'est symbolique. Du millier par an, quoi. Ouais, c'est symbolique. Donc là, dans le cas, là, le cas est quand même particulier. C'est-à-dire qu'on va chercher des nègres qui viennent des Comores, qui vont sur Mayotte, donc c'est dans l'océan Indien. Donc on peut pas les soigner sur place, apparemment. On leur fait prendre l'avion, je pense que c'est l'avion, hein, ils prennent pas le bateau, ouais. Ces gens. Hein, c'est... Ils prennent l'avion pour aller sur La Réunion, et de là, bon, ben, le pognon tourne. On les soigne, et ils sont censés théoriquement être renvoyés à Mayotte. Ouais, c'est du délire. C'est fantastique, hein. C'est fantastique cette mécanique, de gaspillage de fric pour un résultat moins que nul. Bah là, on voit, oui, de toute façon. Mais non, mais déjà, il faut, c'est tout. Enfin, c'est la spirale de la négrification induite par, déjà évidemment l'humanitarisme dogmatique de la République française. Hein, donc le même État qui vous crache à la gueule si vous payez pas les 100 euros, si vous vous trompez de 100 euros sur votre déclaration d'impôt et que vous appelez Dupont ou Durand. Ce sont ceux qui claquent sans compter pour leur trésor qu'ils récoltent donc dans les Comores, à Mayotte, etc. Et il ne faudrait surtout pas permettre qu'un de ces nègres des Comores, un de ces nègres musulmans des Comores, reste avec une cheville pétée. Ce serait quand même malheureux. Hein. Donc, accueil en grande pompe à La Réunion, où on va claquer énormément de fric et où le type va se tirer à la première occasion, non sans avoir volé tout ce qu'il aura pu voler dans sa chambre, et il sera tôt ou tard plus ou moins régularisé avant d'être envoyé en métropole. Donc là, je précise aussi, parce que certaines personnes vous pourraient accuser exclusivement la gauche de ce type de ce type de législation, effectivement, droit de l'hommiste, etc. Mais je tiens quand même à rappeler que c'est effectivement Nicolas Sarkozy, hein, de la droite dure, hein, qui a tenu à faire de Mayotte un département français. Hein, parce que, évidemment, la droite dure a toujours un combat d'avance. Et donc, son combat à elle, c'est, comment dirais-je, c'est de faire de la France un pays de nègres musulmans. Donc voilà, donc on a créé une situation juridique sur Mayotte, qui maintenant est une situation juridique totalement embrassée par Marine Le Pen et le Rassemblement National, hein, qui est devenu, je crois, le premier parti maoré de France, et de très loin, même devant les Républicains. Et on nous explique que voilà, il faut cramer à fond perdu des milliards d'euros sur ce caillou. Et évidemment, ça déborde. C'est-à-dire que quand on ne peut plus assurer à Mayotte, eh ben, on déplace le problème à La Réunion. Et quand on ne peut plus assurer à La Réunion, eh ben, on déplace vers la métropole, fatalement. Si vous avez suivi, j'en avais parlé ici, on en avait même parlé lors de l'émission spéciale d'ailleurs sur l'île de Mayotte. Macron, lors de son déplacement, je pense que c'était il y a 2 ans environ, avait annoncé toute une série de dépenses faramineuses. Ils allaient créer une nouvelle piste d'aéroport, ils allaient créer un nouvel hôpital, enfin une nouvelle maternité. C'est une véritable usine à fabriquer du nègre musulman en Mayotte. Hein. Bon, bah, tout ça ne fait que s'amplifier. Hein. Donc, ce qu'on entend là, c'est une goutte dans l'océan de l'invasion. Hein. Mais je ne la connaissais pas. Maintenant, je la connais. Maintenant, je sais qu'on affrète des avions spéciaux pour des nègres musulmans des Comores qui sont clandestins à Mayotte pour les faire soigner en urgence à La Réunion, afin qu'ils puissent s'enfuir plus facilement et rejoindre le territoire métropolitain. Voilà, je l'ignorais, maintenant je le sais. Et 24 heures, hein, si jamais... Moi, j'y crois pas aux expulsions, hein, comme d'Éric. Si le mec, pour faire le voyage de Mayotte jusqu'au Comore, tu vois, il est expulsé, en 24 heures, il revient, le type. Hein. C'est vraiment pas loin. Hein. Limite, il les fait à la nage. Hein. Bah, il va pas aller faire à la nage, puisque c'est l'État français qui organise. Hein, c'est l'État qui paye, comme dirait l'autre. Hein. Parce que c'est ça, ce truc des vassades, en fait. C'est l'État français qui organise l'immigration clandestine. Ce n'est que ça. Oui, tout ça... Vas-y, Pierrot. Vas-y. Non, je t'en prie. Ouais, tout ça, finalement, résonne aussi avec la une fraude très connue à la sécurité sociale que pas mal de gens connaissent. Complètement dingue en fait, hein, parce que peut-être que vous le savez pas, mais vous payez pour une sécurité sociale de types qui sont même pas français d'ailleurs. S'ils sont français, c'est souvent des nègres. Il y a des millions de cartes de sécurité sociale en double qui circulent, donc on a du mal à avoir les chiffres précis. Je crois que Derek avait balancé une info. Bah, c'est le bouquin de Charles Prats. Hein, ouais. D'ailleurs, il y a même ministre comorien qui avait un faux. Oui. Une fausse carte, hein, avec donc prestations sociales, le type touchait le RSA. Hein, bon, c'est sympa, quoi. Hein. Bah, nos auditeurs, de toute façon, peuvent se référer peut-être à ce magistrat spécialisé sur ces questions, ouais, sur YouTube. Le bouquin, c'est Le cartel des fraudes, d'accord. Le cartel des fraudes, Charles Prats. Voilà, ça chiffrait, je crois, en milliards. Hein, ah oui, 50 milliards. Environ 50 milliards. On ne peut pas savoir précisément, mais ça peut passer au moins. Évidemment, ça augmente, oui, tous les ans. Hein. Oui, sachant qu'un petit chiffre, bon, parce que ces gens, non seulement ils ont des faux papiers, mais quand ils en ont des vrais, ils les gardent très longtemps, c'est-à-dire même après être morts. Hein. On a la statistique. Pour Biden. On a beaucoup de centenaires, c'est bien, c'est comme ça, ça prouve bien que le Covid-19 n'est pas si efficace, il n'arrive même pas à tuer les centenaires. En fait. Je crois que j'avais déjà donné la statistique, mais la moitié des personnes qui touchent la retraite en France, enfin la retraite française, pardon, sont des la moitié est née à l'étranger. Oui. Bien que, hein, tout va bien, quoi. Il faut rajouter à ça que ces élites-là qui arrosent littéralement les gens marrons de milliards d'euros, ils font pas que ça. Ils s'arrosent aussi eux-mêmes. Donc il faut rajouter. Alors, si déjà ils donnent des milliards juste pour les nègres, je vous laisse imaginer ce qu'ils se mettent dans la poche. Vous pouvez multiplier par 10. Non, ouais, mais attention, il y a un énorme système de corruption qui est un scandale d'État. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant d'ailleurs. C'est-à-dire que Charles Pratt, il fait son bouquin et ça a fait quelques lignes dans le Figaro et puis terminé, quoi. C'est-à-dire que il ne se passe rien. Il lâche une bombe nucléaire, il dit voilà l'état de la sécurité sociale, il y a X millions de fausses cartes en circulation, il y a des gens qui touchent du pognon en Algérie, on sait pas qui c'est, etc. Il y a des aberrations totales, notamment par rapport à ces histoires de centenaires, dont on sait qu'ils sont morts depuis longtemps, mais que leurs descendants continuent à se refiler les droits, etc. Et ça ne déclenche absolument rien, c'est accueilli par un silence gêné, de l'écrasante majorité des médias, vous n'entendez pas parler. Je vous ai dit, hein, à part le Figaro, parmi les médias, je veux dire, établis, à part le Figaro, personne n'en a parlé. Mais sinon, c'est tous les autres médias, c'est le silence. J'ai écouté aussi ce qu'avait dit Pratt dans plusieurs de ses interviews, mais il y avait aussi la rapporteuse. C'est une députée LR de Marseille, j'ai oublié son nom. Boyer. Voilà, Boyer. Ouais. Valérie Boyer, bon, bah, elle est députée quand même. Bon, il y avait une commission parlementaire qui avait été lancée pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et quand ils ont interrogé tous les responsables du ministère de la Santé sur ces questions. Ou même de Bercy pour essayer d'en savoir davantage, pour savoir où va l'argent, est-ce qu'on a une idée, c'est-à-dire qu'on ne leur répondait pas. Dans les ministères, on refusait de répondre. Ouais, c'est plus fort que ça, Pratt explique très bien. Ils ont même monté des faux dossiers, des faux rapports de commission, pour prétendre qu'il se passait rien et que c'était Pratt et les autres lanceurs d'alerte qui racontaient n'importe quoi. Ouais. Voilà, bah ça c'est pas simplement parce que ces gens-là, quand ils font ça pour couvrir un système, d'accord? Donc ils savent très bien que chaque année, il y a X milliards d'euros qui ne devraient pas être versés, qui sont versés, et vous pensez bien que ces gens-là en touchent. C'est-à-dire qu'il y a des deals dont on ignore, si vous voulez, la forme, et qui en sont les acteurs précis, mais on sait qu'ils existent, et que dans la bureaucratie française, vous avez des gens qui, en fait, font des deals avec toute une série d'acteurs dans le monde du médicament, etc., pour revendre, en fait, quasiment aux frais des Français, des trucs moyennant pot de vin. Donc, il y a des retours, etc., sous les tables. Donc, en fait, c'est ça qui est fou. Mais ce système de santé socialisé qui, au départ, avait été pensé après la guerre... pour la population française, est totalement détourné de son objet par une bureaucratie totalement pourrie, par des politiciens aussi qui sont véreux et qui sont dans la magouille, par des gens du business du médicament, par des gens qui sont présents en Algérie, c'est-à-dire des dirigeants politiques, etc. Et tout ce monde-là est en train de faire du trafic de médicaments aux frais des Français. Et évidemment, quand Pratt, il arrive, il dit « Attendez, il y a une partie du pognon qui est détournée, là. » Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se font soigner clandestinement comme ça et tout, c'est vrai. Mais il y a probablement aussi une part de ces Algériens qui n'existent tout simplement pas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des fantômes, qui sont situés en Algérie ou ailleurs. Les médicaments arrivent en Algérie, l'Algérie les revend aux blacks dans le reste de l'Afrique. Ok. Ça plus le RSA et la retraite. Hein. Voilà, donc et vous pensez bien qu'ils ont des amitiés au sein de la bureaucratie française pour faire ça, avec des retours de pot de vin, comme je l'ai dit. Donc évidemment, quand Pratt, s'il arrive, il dit, il se passe un truc ici, vous pensez bien que ça gêne du monde. Et quand vous avez même une députée, comme effectivement Valérie Boyer, qui pose des questions au titre d'une commission parlementaire, et qu'en vrai, en gros, vous avez des bureaucrates qui pratiquement publiquement l'envoie chier en disant occupe-toi de tes affaires et tout. Enfin, ça, Et Macron ferme sa gueule. Donc s'il ferme sa gueule, c'est parce qu'il protège le système, comme François Hollande a protégé le système et comme tous les présidents de la République ont protégé le système, parce que très vraisemblablement, si c'est pas eux, ce sont leurs proches, touche départ dans tout ça. Et ensuite, vous avez tout ce pognon qui est envoyé sur des paradis fiscaux, allez savoir où, et les gens ne voient rien. Mais c'est très frappant de voir que, quand Prats a sorti son... C'est une véritable bombe nucléaire, hein, ça n'a... Même chez LR, au fond. Voilà, il y a Valérie Boyer qui s'est un petit peu énervée, quelques autres des parlementaires, mais grosso modo, c'est un silence très, très feutré. Hein. Donc voilà, donc on le sait. On le sait. La corruption est tellement généralisée au sein de l'appareil d'État français que les mecs peuvent pratiquement, au vu et au su de tout le monde, détourner des dizaines de milliards d'euros sans qu'il y ait de réaction. Oui, enfin, moi, je pense que c'est pas vraiment de la corruption. C'est-à-dire que c'est construit pour fonctionner comme ça. C'est-à-dire que c'est fait exprès d'avoir des systèmes administratifs avec différents échelons qui font manger tout le monde. En gros, hein, tout le monde mange là-dedans. Hein, ouais. Tous les gens qui vont bosser, qu'on case à droite à gauche, voilà, c'est des gens qui vont après vont voter, etc. C'est construit pour ça. C'est une machine infernale qui est faite pour aspirer du pognon. C'est-à-dire que ces gens-là vivent bien. Hein, ils ont leur évolution automatique, etc., etc. Et en même temps, hein, comme dit notre cher président, en même temps, on racle le fond, hein, on racle des nègres, et puis hop, on les passe chez nous, on les envoie derrière le mur. Voilà, en gros, on paye la pelleteuse, hein, on paye super cher une pelleteuse à nègres qui nous balance des nègres sur la gueule. Ouais. Voilà, c'est la machine, c'est construit comme ça. Je trouve ça qu'il y ait de corruption individuelle, le type tout ah non, moi, non, je dis pas que c'est la corruption individuelle, je dis que c'est un système de corruption à grande échelle. Ah, excusez-moi. C'est un système d'empoisonnement. Ouais. Tiens, Diabolix nous a rejoint. Salut, Diabolix. Salut à tous, excusez-moi d'intervenir, mais là, faut quand même que je fasse une rectification. En fait, à proprement parler, c'est pas une corruption. C'est-à-dire que l'État français, l'État belge et quasiment tous les États européens ont créé un système législatif dans le domaine médical qui a décidé d'assassiner les hôpitaux. C'est-à-dire que les hôpitaux, par exemple, doivent renouveler leur salle d'op tous les 3 ans, tous les 5 ans. Scanner, même chose. Radiologie, même chose. Et en fait, le problème auquel est confronté l'hôpital, c'est que tout ce matériel se barre en Algérie, en Afrique, aux quatre coins du globe, hein, il n'y a aucun problème. Mais le souci, c'est qu'il faut racheter du neuf. Alors, tant que l'État a du pognon, comme c'est l'hôpital public, ben, c'est pas un problème, il y a des budgets. Le petit souci, c'est qu'en ce moment, il n'y a plus de budget. Par contre, les législations sont toujours les mêmes. Il n'y a personne qui a songé à appuyer sur le frein en disant « Eh oh, un scanner de 5 ans, il est toujours valable. En plus, il est amorti, donc on peut commencer à le rentabiliser. On ne l'expédie pas à tatouiner les oies pour faire plaisir aux colorés. » Ça, il n'y a personne qui a pensé au problème. Donc en ce moment, on est en train, parce qu'on n'a plus de budget, d'épuiser définitivement les hôpitaux, d'épuiser toutes les structures médicales, et on va nous retrouver grosso modo comme un dispensaire au Congo dans les années 90, alors que tout notre matériel se barre là-bas. Oui, tout à fait. Voilà, là, mais là, c'est aussi de la faute des personnels hospitaliers, parce que ce sont très souvent des gens qui, en tout cas jusqu'à une date récente, étaient à gauche, voire très à gauche. Je pense plus récemment à la question des urgences. Hein. Vous savez, il y a eu une grève très longue d'ailleurs. Des personnels hospitaliers et des facultés de médecine, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'intégralité des Africains qui viennent pour faire médecine en France, ils se retrouvent dans les hôpitaux, c'est les premiers à racler les stocks des produits entre guillemets périmés pour pouvoir les rapatrier chez eux et faire du business. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Donc je le disais que les personnels hospitaliers sont très à gauche. Aux urgences, on a très souvent des syndicalistes de gauche dure, et ces gens-là étaient en train de beugler pendant plus d'un an. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on est débordé. Très bien. Sauf qu'ils n'ont jamais eu le courage de pointer l'origine du problème, qui était à 95% l'immigration. C'est-à-dire pourquoi les urgences sont devenues ce qu'elles sont. Eh bien, c'est parce qu'elles sont saturées par toutes les populations du tiers-monde que l'État français a importées. D'accord ? Donc vous avez, comment dirais-je, des Fatoumatas qui arrivent enceintes jusqu'aux dents en train de brailler, et comme elles ne peuvent pas venir seules, elles viennent avec la famille élargie. Vous avez deux ou trois dealers maghrébins qui viennent de s'ouvrir joyeusement au Surin, qui arrivent pissant le sang et qui finissent de régler leur compte dans la salle d'attente. Vous avez des maghrébins hostiles qui dévisagent les personnels et tout spécialement les blancs et les blanches et à deux doigts de les égorger pour un regard qu'ils jugent déplacé, etc., etc. Tous ces cons-là qui ont gueulé pendant un an, je n'ai pas entendu une seule fois prononcer le mot immigration. Alors moi je suis désolé. Il est hors de question que je me sente solidaire de gens comme ça qui n'ont pas le courage élémentaire de désigner la cause principale du problème. Alors ces gens-là, d'autant plus que chez eux c'est idéologique. Très souvent, ce sont des gens qui aiment les colorés, d'accord ? Ils les aiment. Et qu'est-ce qu'ils se sont retrouvés à dire ? Ah ben, s'il vous plaît, donnez-nous plus de pognon pour qu'on puisse mieux s'occuper de tous ces Algériens, de tous ces Roms, de tous ces Noirs qui affluent constamment, toujours plus nombreux, aux services d'urgence. Voilà, on n'en peut plus, donnez-nous plus de pognon pour qu'on puisse les accueillir mieux. Ben non, moi j'inverse le raisonnement, je dis voilà, ben en premier lieu on n'a pas à les accueillir, donc, il n'y a pas de raison qu'on élargisse les budgets. Et finalement la réponse pour le coup du gouvernement sur cette question-là qui a consisté à, je crois, créer une espèce de tarif, c'est-à-dire que quand vous allez aux urgences, vous êtes de toute façon facturé, je ne sais plus combien, ça reste assez symbolique d'ailleurs, mais je crois que c'est aux alentours de 20-25 euros, je ne sais plus. Est-ce que c'est si dissuasif que ça ? Je suis pas du tout convaincu, mais enfin bon, l'intention n'était pas totalement inintéressante, c'était de faire fuir les parasites. Bon, est-ce qu'ils fuiront ? Je crois pas. C'est un minimum, ça aurait dû être fait depuis longtemps, et puis, si on pousse un petit peu plus loin, je sais pas vous, mais moi, la sécurité sociale, je démantèlerai ça à la tronçonneuse. Je préfère payer une assurance privée sur des critères spécifiques, je sais pas, on peut pas discriminer en France, ça c'est pas possible. Je sais pas, tu vas payer pareil. Par exemple, j'ai vu que là, le gouvernement est mobilisé pour le cas d'un type de 300 kilos qui est chez lui. Ah oui, j'ai vu ça. Et qu'on doit mener à l'hôpital, tu vois. Donc, le type, il nous met en esclavage, lui tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'il vit. Non, mais ils précisent qu'ils vont devoir péter les murs, ils vont devoir intervenir. Péter les murs, une grue, etc. Alors, en plus, comme c'est. Dès que tu entres dans le truc de la santé, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça avec du matériel dimensionné pour, il faut que ce soit surdimensionné. Ça va coûter un pognon de dingue, ça mobilise le ministre de l'Intérieur Darmanin. Faut voir un petit peu l'asile dans lequel on est dans ce pays. Et donc, bon, entre les espèces de cas sociaux comme ça qui sont entretenus. Artificiellement par la sécurité sociale. Bon, c'est comme les fiottes, c'est pareil. Hein. Tous ces gens-là nous mettent en esclavage. Hein. Ils bouffent un pognon alors qu'ils ne gagnent pas. Je ne sais plus combien ça coûtait, cette histoire de les trithérapies, ça coûte une blinde. C'est délirant. Ouais, la PrEP. Ouais, la PrEP, mais quand ils sont sidaïques, c'est encore pire, oui. Je crois. Hein. Oui. Il y a encore d'autres trucs après. Et les thérapies, ce qu'ils appellent, quand ils changent de sexe, là, les trithérapies. Ah oui, c'est pris en charge, sexe, ça, maintenant, ouais. Aujourd'hui, non, ça. Ah si, bien sûr. Ouais, c'est bien pris sûr, en charge, ouais, je pense. Hein. Ouais. Si c'est, si donc, c'est... Tous ces gens qui demandent de l'argent public, dès que quelqu'un dit, ouais, il faut l'État, il donne des sous. Donc, déjà, vous savez que vous allez faire un enculé. Hein. C'est une merde, c'est un fou. Qui demande à l'État de le réparer, de réparer sa folie. Et quand il demande à l'État, il demande à toi de donner du pognon pour que lui, il aille mieux, etc. Il se démerde pas, il sait pas faire. C'est l'État, maman, aide-moi à me couper la bite pour prouver que je ne suis pas une personne démente mentalement. Bon, c'est... Stop, quoi. Stop. Mais comme disait Thatcher, hein, tu sais, je veux dire, les socialistes s'arrêtent quand ils ont fini de dépenser l'argent des autres. Hein. C'est-à-dire que... La machine va pas s'arrêter d'elle-même. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des gens pour payer, la machine va continuer. Faut pas rêver, quoi. Ah ben, vu que la machine, quand même, là, elle est grippée. Oui, à tous. c'est vrai, je te l'accorde. Ouais. Avec le coronavirus, parce que moi, les médecins là, qui nous disent « Ouais, il faut confiner et tout », ils arrêtent l'économie, puis après, en même temps, ils te demandent du fric. Moi, je sais pas vous, mais j'ai des accès... de violence, hein, quand je... Ah, écoute, c'est totalement, je voyais dans les côtes d'Armor, là, donc en Bretagne, hein, forcément, un collectif d'élus qui a signé une pétition, et alors Dieu sait que ça a été relayé par la presse en Bretagne, donc Ouest France, Le Télégramme, plus quelques journaux strictement locaux, qui ont expliqué, enfin qui ont fait un large écho à cette pétition. Que disait cette pétition ? Ces élus en question étaient en train d'engueuler le préfet parce qu'il ne régularisait pas assez vite les migrants clandestins, ce qui ralentissait leur prise en charge par tout le dispositif d'accueil. Alors, il y a tout, l'hébergement, le logement, laver les fringues, leur apprendre le français ou faire semblant. Mais c'est hallucinant, je veux dire. Mais c'est ça, en fait, c'est toute une économie. C'est construite sur cet élevage de nègres financé et subventionné par l'État français, à la discrétion d'ailleurs des préfectures. Bonne chance si vous essayez de savoir combien une préfecture dans votre département consacre d'argent dans l'accueil des migrants. Vous n'aurez pas le premier chiffre qui vous sera communiqué, c'est un scandale d'État en soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir combien d'argent est dépensé là-dedans. On a une vague estimation, mais on ne sait pas. Dans les départements, vous avez des associations qui sont greffées là-dessus, et s'il n'y a pas assez de nègres qui arrivent, tous ces gens-là ont faim. Tous ces gens-là ont faim. Alors ils gueulent, qu'est-ce que vous foutez ? Où sont nos nègres ? Où sont nos Soudanais ? Nous attendons nos Afghans. Et comment se fait-il ? Mais c'est scandaleux, rendez-vous compte. Et puis au bout d'un moment, vous allez les voir avec toute une série de rombières, parce que les rombières, elles, c'est pareil. Toutes ces retraitées là de l'éducation nationale sont en train de se dessécher si elles n'ont pas des mamadou pour les bourriquer, parce que c'est ça aussi le truc, hein. Il y a des hébergements qui ont lieu, vous savez. Vous avez les unités qui sont des bâtiments qui sont possédés par l'État, qui servent à les accueillir dans un premier temps. Mais ensuite, vous avez toute une série de mécaniques associatives qui se greffent là-dessus pour les diffuser. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, même les gens qui vivent dans les petites communes, les communes rurales, tout d'un coup, ils voient une tête de nègre qui passe dans la rue comme ça. Ils disent, mais je comprends pas, j'en ai jamais vu ici, qu'est-ce qui arrive ? Mais c'est parce qu'une rombière s'est portée volontaire pour l'accueillir. Et le deal, et alors, c'est à 90% des situations, c'est une retraitée de la fonction publique. 90% des cas. 90%. Et c'est pas bénévole, hein. C'est pas bénévole, hein. C'est pour que Mamadou, il l'alime. Non, hein, mais pas que ça, non, mais ils palpent aussi de l'État, c'est-à-dire que c'est des fonctionnaires déguisés, ces gens. Ils palpent aussi de l'État. Il y a de l'État et des communautés territoriales en tout genre. Hein. Ça va gratter à la mairie, au département, à la région, à l'intercommunalité peut-être. Tout le monde va y mettre son tout petit... Tout le monde y passe, tout le monde y passe. Petit obol. Alors quand tu branches, tu vois... Parce que parfois, dans un département, tu vois, t'as un petit collectif qui se monte, tu vois, t'as quelques mecs qui disent... Ouais, attendez, combien d'argent on va là-dedans? Mais t'as tous les journalistes là, tous ces crapules, eux aussi subventionnés. Enfin, de toute façon, tous ces gens-là sont subventionnés, tous sans exception. Les profs, les bénévoles dans les trucs, les tous. Ils te fusillent du regard, ils te sortent un article saignant. Et alors là, on invoque le souvenir de la résistance. Enfin, il y a tout qui y vient, quoi, je veux dire. Et tu n'as qu'à fermer ta gueule. Tu n'as qu'à fermer ta gueule. Et tant qu'il y a du pognon, ça continue. Et en plus ils sont formidablement accueillis. J'ai des exemples comme ça dans des villages, des petits villages, hein, des tout petits villages. On rénove, la mairie rénove de l'ancien, des maisons du centre-ville. On te rénove ça, alors attention, hein, aux dernières normes et tout. Tout ça, alors, coûte un pognon fou. Et on te fout d'emblée là-dedans de l'Afghan, du Soudanais, voilà. C'est devenu la règle. C'est comme ça dans tous les départements de France. Comme ça dans tous les départements. Voilà, donc bon. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux dire, voilà, il n'y a pas de révolution, alors. Non, mais dès qu'on trouve quand même que ça... que peut-être l'entrée ne se fait pas assez vite, eh bien, on invente un nouveau truc par rapport aux droits fondamentaux des êtres humains. Alors, bon, quel rapport entre les droits des êtres humains et les nègres? Je ne sais pas, mais bon, apparemment, il y en a un pour l'administration. Et ça, c'est le truc que tu ne peux pas... c'est chat perché, c'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu es contre la dignité humaine. Et donc là, c'est mort. Tu ne peux plus parler, c'est fini. T'es un mauvais chrétien. Comment dire, il y a aussi un truc miraculeux. Bon, je m'écarte un peu, mais pas tellement. Mais on reste sur la thématique médicale. On trouve ça des fois. Alors, ils font des efforts pour nous le faire savoir. Hein. Je veux dire, quand ils vont trouver une espèce de truc pété, une créature qui est pétée, quoi, qui est génétiquement déficiente, au Sénégal, au Mali, au Congo, tu sais, genre, t'as un machin, il a 8 ans, mais tu sais, il a une déformation d'un organe, de je sais pas, un truc. Et dit, alors, bah, oh, mais la France l'a pris en charge, le truc, il arrive en avion spécial, direction les grands hôpitaux de Paris, ça coûte des millions d'euros pour réparer le négrillon. Une fois qu'il est tout ravigoté, etc., allez, hop, on le renvoie dans son pays où il dit, mais j'ai été accueilli de manière formidable. Alors, comme il est connu de l'administration, évidemment, très peu de temps après, il sollicite un visa. Alors, on est très content. Et il est, oh, mais en plus, il est reconnaissant, il veut venir nous envahir. Alors, bah, on va lui donner le papier, hein, pas de problème. Voilà. Il y en a tout le temps, ça, des trucs comme ça. Et alors là-dessus, vous avez toujours des saloperies de docteurs blancs qui font du bénévolat. C'est-à-dire qu'ils se portent volontaires pour aller sélectionner sur place les nègres qu'on va aller mettre dans des avions pour les faire venir en France et les réparer si Dieu seul, enfin si c'est possible, quoi. Enfin bon, c'est... Ah ben, tout à oui, fait, tu as Chirurgiens sans frontières qui s'occupent de ça, tu as toutes les facultés de médecine européenne qui ont leurs antennes à Ouagadougou et ailleurs qui relaient l'information pour les ramener, il n'y a aucun souci. Ah ouais, et qui payent, bon ben, le compte irrétribuable. Tu as les French doctors, et comme dirait Soral, ouais, ils sont ni French ni doctors. Les Juifs ont un rapport très différent à ces histoires d'opérations et d'organes. Hein. Et pas tout à fait pareil. Une petite pensée pour... Mais vous êtes malade. Pour Kouchner. Ironie de l'histoire, malgré tout, il existe dans le domaine médical en France, la loi Kouchner. Et cette loi permet... de refuser tout test ou tout traitement ou tout vaccin. Enfin, on y en parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est pourquoi est-ce que Kouchner avait, parce qu'il était ministre de la Santé à l'époque et qu'il y avait eu l'épidémie de sclérose en plaques, enfin, en tout cas, beaucoup de sclérose en plaques et qu'on avait attribué à, vaccin contre l'hépatite B. Mais bon, je m'écarte un peu du sujet. Mais il avait du coup, sous la pression, Kouchner avait été obligé de dire, OK, bah, vous pouvez alors refuser, si vous le souhaitez, des tests et des vaccins. Et oui, bah, ça va pas tarder à changer, mon avis. Alors, messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, pas spécialement. Bon, c'est une discussion. Si. Je crois, excuse-moi, je crois qu'il faudrait un de ces jours faire une émission spéciale sur l'île de la Réunion. Il y a beaucoup de sujets à moudre, notamment au niveau des phasoïs. Bon, bah, écoute, proposition est lancée. Et on aura au moins j'aurais au moins découvert le système des Evazanes que je ne connaissais pas. Vivre ensemble, on a parlé de l'affaire Mila la semaine dernière, donc on va pas revenir en détail là-dessus, c'est pas l'objet, mais je voulais quand même informer nos auditeurs qu'il y a un suivi, hein, suivi sociologique, psychologique aussi. J'ai mis en place une cellule d'assistant psychologique ici pour Mila. Alors, j'ai appris cette semaine, et vous peut-être comme moi, qu'elle a reçu au total, alors, parce que vous savez, elle a remis une couche, d'accord ? Alors, elle a reçu 50 000 menaces de mort au total. 50 000 menaces de mort. Bon, ben, elle vise le Guinness Book. Ah bah là, ouais, c'est 50 000 menaces de mort. Alors, je sais que sur le lot, hein, il y en a des fantaisistes. Il y en a aussi une petite proportion d'un peu plus sérieuse, à mon avis. Hein. Donc, ah bah, il suffirait qu'il y en ait un, hein, sur 50 000. Voilà, bon. Oui. Bon, je pense qu'il y en a plus quand même, pour le coup, quand même. Bon. C'est bon, un pays, enfin, on vit dans un pays français, quoi, hein, tout va bien. Oui, c'est la France, oui. C'est la France, c'est la France. Ce qui montre, encore une fois, que les Algériens sont émotionnellement très stables. Hein. Donc, vous l'avez remarqué. Vous l'avez remarqué, donc c'est une population très stable. Alors, non, mais je veux dire, pourquoi je dis ça, pourquoi j'ai voulu parler de ce chiffre, c'est quand même représentatif, je veux dire. Si elle avait reçu 300 menaces de mort, que les médias en auraient fait des caisses et tout, en disant, oh là, mon Dieu, c'est quoi. Mais elle a. Alors bon, vous allez me dire, on est dépendant, parce qu'elle a publié un communiqué officiel, hein, Mila, avec ses avocats et tout, enfin, son avocat juif, Richard Malka, dont on a parlé. Bon, mais j'ai quand même tendance à le créditer, je veux dire, bon, il y a des enquêteurs et tout, donc c'est pas totalement de la fantaisie. Donc je crois qu'il y a 50 000, elle a bien reçu dans ce nombre de menaces de mort, dont on peut discuter ensuite sur le sérieux sur tel, enfin, pour une part d'entre elles et tout, mais c'est très réel. Mais n'empêche, il n'empêche que, en 2020, quand tu insultes le prophète de l'islam en France, et que tu es simplement une lycéenne, oui, tu reçois des dizaines et des dizaines de milliers de menaces de mort. Je veux dire, c'est digne du Pakistan, quoi. Je trouve que ce chiffre est un bon thermomètre de la situation démographique et aussi du climat induit par cette nouvelle démographie française, entre guillemets, et de la présence de l'islam de plus en plus forte. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, la France est un pays partiellement musulman. Il n'y a pas de problème. On voit des réactions, comme dans ce cas précis, qu'on retrouve dans tous les pays musulmans dès qu'il y a effectivement un... Bon, bah, dans les pays musulmans, c'est quand un musulman blasphème, mais bon, voilà, on y est. Quand un musulman mange un sandwich pendant le ramadan, c'est ce qui lui arrive. Oui. Bah, il y a un mec qui a été mis à mort, là. C'est où, au Maroc, non ? J'ai vu qu'au Pakistan, je crois que c'est au Pakistan, il y a un mec qui a été mis à mort parce que par accident, il avait marché sur un Coran. Oh ! Non, je blague pas, hein. Non, je rigole pas. Je crois que c'était accidentel, il y avait un Coran qui devait traîner ou machin, ouais, mais il a marché dessus. Et il y a une foule qui lui tombait sur la gueule, ils l'ont lynché, le mec, ils l'ont tué, quoi. Ils l'ont. Voilà. Allah Akbar. Ouais. Enfin bon, par rapport à ces 50 000 menaces de mort, il faut se dire quand même que c'est un problème d'éducation. Tout va aller pour le mieux en leur apprenant que nos ancêtres sont les Gaulois, ou alors que les vertus de la Révolution française, ou Louis XVI, il était gentil parce que voilà, parce qu'il était gentil. Hein. Il n'était pas méchant, c'est les Républicains les méchants. La droite et la gauche ont des solutions pour régler ce problème, des solutions qui fonctionnent. Hein, on sait que ça marche, on en est sûr. J'ai un constat qui est pas tout à fait le même que le tien. Non, mais vraiment, je veux dire, je pense, moi, que c'est plus un problème de moyens dans l'éducation. Je pense qu'il faut consacrer beaucoup plus de moyens dans l'éducation, il faut investir davantage, il faut plus de reconnaissance pour les professeurs, et il faut aussi peut-être moins d'élèves dans les classes, je veux dire, enfin, pour résoudre ce problème de violence qui est quand même, qui s'explique, je veux dire, fondamentalement, hein, par une discrimination systématique des enfants d'origine immigrée. Donc, encore une fois, voilà, je veux dire, faisons litière du discours traditionnel de l'extrême droite sur ces questions. Non, si Mila aujourd'hui est menacée de mort par 50 000 personnes pour ses propos tenus sur l'islam, c'est bien évidemment à cause du racisme blanc prévalent en France. Bah, puis aussi, les profs ne sont pas assez diversifiés. Il faudrait peut-être interdire l'œuvre française, je pense. Oui, il faudrait peut-être interdire l'œuvre française. Il faudrait peut-être penser à dissoudre l'œuvre française. Bah, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une de Libération cette semaine qui voit les choses très, très clairement. Je veux dire, contrairement un peu à nous qui sommes un petit peu largués, puis puisqu'on n'est pas... Mais alors, Libération, eux, ils voient clair, ils voient les choses très nettement, ils comprennent la situation, ils comprennent la société française, et ils ont fait une qui a dit très clairement, aujourd'hui, en France, la menace principale, c'est une, hein, c'est pas un article, hein, c'était en une, avec un truc assez spectaculaire, c'est la menace de l'ultra-droite. Moi, je le sens, je veux dire, je me sens menacé par l'ultra-droite, vous voyez. Ah bah, l'ultra-droite décapite des gens, pas de soucis, quoi. Ouais, non, je sais pas. Bah, tous les soirs, on entend les chaussures à clous dans les rues. Hein. J'aimerais bien, mais c'est... Je pense que les Maghrébins sont terrorisés dans les rues, ils osent plus sortir de peur de tomber sur des skinheads. Hein. Ah, ils osent même plus brûler les voitures. Allah. Ils ont arrêté de construire des mosquées. Non, voilà, bon, je donnais le chiffre quand même à propos de Mila, bon, voilà, bon. Alors, bon, Mila, si tu m'écoutes, achète-toi un billet d'avion, va très très loin. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle fout dans un pays musulman aussi? Eh ouais, voilà, mais c'est ça que tu te poses comme question. Ouais, tu provoques, tu es dans Dar al-Islam, bon... Non, mais il est légitime d'avoir un problème avec l'islam. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand t'es pas en conformité avec l'islam, tu vis pas dans un pays musulman. C'est tout. Voilà. Personne la retient. Je veux dire. Mais à propos de Mila, cons comme sont les Pakistanais, puisqu'on a un Pakistanais qui a voulu faire un attentat à l'ancienne adresse de Charlie, je serais Mila Jojovic, je ferais gaffe. Pourquoi tu dis Jojovic par rapport à la nana parce que, si t'as un Pakistanais con qui se gourde de nom, c'est il dessoude une actrice en croyant qu'il dessoude l'autre Mila qui en veut au... Ça serait intéressant, oui. Il faudrait faire un sondage parmi les bougnoules. Je suis sûr qu'il doit avoir, parmi les 50 000 là, qui ont fait des menaces de mort, il doit bien avoir 10% qui croient que c'est l'actrice Mila Jojovic. Je crains pour le cinquième élément, je vous le dis tout de suite. Ouais, et dire que ces gens ont l'arme nucléaire. Je voulais simplement, puisque vous me parlez, vous me tentez. Vous savez, quand on avait parlé des manifestations au Pakistan, là, il y a quelques émissions de ça. On avait parlé de ce leader pakistanais qui avait appelé à lancer des bombes nucléaires sur la France. Vous en rappelez, ça? Bombes nucléaires, non, ça me parle pas. Si, c'était un leader pakistanais. Il avait pris la parole. Il avait dit qu'il avait dit aux autorités pakistanaises, si vous voulez pas le faire, moi je prends le pouvoir et je le fais. Je balance des bombes nucléaires sur la France pour venger le prophète. Il est à la tête d'un parti musulman. Je veux dire, imaginez, bon, déjà le Pakistan, le niveau médian du Pakistan, si vous voulez, c'est que le gouvernement, grosso modo, ils sont d'accord avec Al-Qaïda, quoi. Bon, en gros, hein. Bon, lui, c'était le représentant d'un gros parti islamiste radical, ok, qui est considéré comme très, très, très, très, très radical au Pakistan. il avait un énorme turban noir, mais énorme, gigantesque, quoi, tu vois, avec une barbe. Putain, il avait une gueule de... Il avait une gueule de violeur, quoi, c'était un truc de fou. Bon, alors lui, il voulait nous balancer des bombes nucléaires sur la gueule, bien, pour venger le prophète. Eh ben, il est cané. Pour le coup, je me demande si c'est pas un service commandé. Hein. Alors, 54 ans, il a été pris d'une toux subite et il est mort à Lahore, dans la ville de Lahore, à l'hôpital. Pas d'explication officielle pour son décès, mais il n'est pas impossible que ses velléités de reprise en main de l'arsenal nucléaire pakistanais n'aient pas plu à tout le monde au Pakistan. C'est possible, ouais. Mais alors, je dois dire que quand il a donné ce discours-là, il y avait une foule énorme. Hein. Non, on ne parle pas de 1000 mecs. Hein. C'était un océan de barbus. transcendé par ses appels à balancer des bombes nucléaires sur la France. Alors, c'est pas que l'intention a dérangé les dirigeants hein, pakistanais. Je pense que sur le fond, ils sont d'accord. J'ai vu qu'il y a une ministre des droits humains, là, pakistanais. Je savais même pas qu'ils avaient ce ministère au Pakistan, qui est une femme. C'est la sœur d'Esther Benbassa. Ah. Un truc. Alors, attention, cheveux courts et mauve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, teint en mauve. Elle a les cheveux teint en mauve, je n'exagère pas. Et alors là, elle est en train d'expliquer. Enfin, au Pakistan, ils sont fous. Alors, elle expliquait aujourd'hui sur Twitter que Macron allait délivrer un numéro d'identité spécial pour les enfants musulmans. Donc, ils disent Macron prépare une nouvelle Shoah contre les enfants musulmans. Ils en sont là. C'est le gouvernement pakistanais. Ils expliquent que les enfants musulmans, ils auront des numéros et tout. Enfin, des trucs qui sont complètement délirants. Et ils sont en train de chauffer à blanc les bouillouls dans le monde entier. Voilà. Et alors je me suis dit, putain, mais quelle est la gueule de l'allumé qui raconte ça? Alors j'ai été voir. Et je vois, parce que c'était un nom comme ils ont là-bas, quoi. Alors bon, je vais voir, je m'attends à un barbu hirsute. Que dalle, je tombe sur une nana, cheveux courts, les cheveux mauves. Des cernes noires et tout. Enfin, c'est un truc effrayant. Et si je dis, c'est là, on dirait une copie, une réplique, un clone d'Esther Benbassa. Je vous dis, alors, donc, quand je vois ça, je me dis, ok, donc ça, c'est les progressistes pakistanais, ok. Ouais, l'ambiance est bonne, quoi. Donc, voilà. Alors, donc, bon, le théoricien... Alors, ceci étant dit, moi, je pense, en fait, que ce leader musulman qui, maintenant, est mort, hein, qui voulait nucléariser Paris, est assez mal informé, en fait, de la composition du peuplement de la France, en fait. Oui, il voulait tuer des musulmans. Sur un pays musulman. Il voulait tuer des musulmans. Il voulait tuer des musulmans. Peut-être c'est pour ça qu'il a été... Non, mais fallait le renseigner, je veux dire. Non, s'il veut surtout faire mouche, qui balance une bombe nucléaire sur la Bretagne, bon, là, au moins, on est sûr qu'il y aura à peu près des blancs. Mais sinon, Paris, l'île de France, je ne sais pas. Hein. Enfin, voilà. Mila, bon cours. Voilà, oui, oh, magnifique, magnifique. C'est Shirin Mazari. Alors, Pierrot, t'es convaincu ou quoi? Bah, belle femme. Mais elle a les cheveux mauves. Je sais pas si c'est un être humain, franchement, ça fait peur. Mais t'es d'accord, elle a les cheveux mauves. Sur certaines images, elle a les cheveux... Enfin, je sais pas, elle a une... Quelle... Enfin, c'est... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est indescriptible. C'est bizarre, hein? Les Pakistanais m'ont l'air particulièrement fous. C'est vrai, enfin, qu'il y a une aire de Benbassa, hein? Putain, la vache. Wow, ouais, mais est-ce que tu l'as vu avec les cheveux mauves? Ouais. Mauve et... Putain, mais il n'y a qu'une mèche qui est mauve. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mauve et vert, on dirait un perroquet, en fait. Là, c'est une espèce de petit militant féministe, je sais pas. Mais, je sais pas, féminisme... Islam, Pakistan, il y a des trucs bizarres qui se produisent. Hein. Alors, Mila, bonne chance. Hein. Avec des gens comme ça, tu vas en avoir besoin, je pense. Ça va être compliqué. Hein. Est-ce que Richard Malka pourra la sortir de cette mauvaise passe? Je suis pas sûr. Mais comme disait Bernard-Henri Lévy, hein, il est important de rediffuser les caricatures de Charlie Hebdo dans tous les établissements scolaires de France. Mais pour moi, je suis d'accord avec lui. Il faut que les profs soient au charbon. Ils ont voulu des. Ils ont fait sortir les profs, les gosses en 2001. Hein, en 2002, hein, c'était en 2002. Pour manifester contre le fascisme, hein, rappelez-vous, quand Jean-Marie Le Pen était au second tour des élections présidentielles, c'est toujours les mêmes, hein, ils sont même pires maintenant. Hein. Et, bien, oui, il faut qu'ils se confrontent, qu'on confronte les idéaux républicains. C'est ça, à la réalité. à la charia. Boko Haram, ça sera très bien. Alors du coup, simplement, j'en termine sur Mia, mais quand on voit 50 000 comme ça, menaces de mort reçues à flot continu, parce que j'entends ça souvent dans les médias, est-ce que la thèse du caractère isolé de l'islamisme en France, est-ce que ça tient aujourd'hui? Je vous pose la question. Je sais pas, hein, comme ils disent sur Twitter, hein, je vais te faire une Samuel Paty, c'est ça? Mais ça devient de plus en plus fréquent, parce que j'ai vu dans d'autres histoires, enfin sur Twitter, mais c'était pas concernant Mila, j'ai vu qu'il y avait, je sais plus qui, il y avait encore d'autres profs, ça devient... Un rappeur aussi. Ouais, ça devient une expression, je vais te faire une Samuel Paty. Ouais, un rappeur a repris l'expression dans un mec pas trop connu, je crois. Mais bon, tu sais, on peut dire qu'on peut pendre les blancs dans les clips de rap, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Hein. Ouais, mais les blancs, oui, mais les profs... Les profs, blancs, ouais. Un peu moins, quand même. C'est marrant, hein, toutes les vies ne se valent pas, quoi. Oui, c'est l'égalité républicaine, c'est particulier. Ouais, bien compris, oui, c'est particulier. C'est particulier, on ne peut pas comprendre. Nous, on est cons, on ne peut pas. On est des goy. Alors, avant de faire une pause, est-ce que vous avez suivi cette petite anecdote? Je trouve ça très marrant. La vidéo a sauté sur Twitter, mais il y a des copies qui doivent circuler, je pense. Alors, le rappeur Koba Ladé, à Marseille, a provoqué un accident avec sa Porsche. Hein, ça a été filmé. Donc, il y a une voiture qui est... Enfin, il y a une Porsche encastrée dans une autre voiture. Et alors, il s'enfuit après avoir vu la femme qui l'a blessée au sol. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Bon, il ne s'agit pas de faire... très long commentaire sur ce qui est anecdotique, mais j'ai trouvé ça marrant de voir donc une star du rap à Marseille être un nègre. Ah mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces nègres. Non mais vraiment, quoi. Il n'y a rien à faire. Il y a un attroupement complet, les types voient son blaze et tout. Le mec, il part en courant. Alors, Derek, qu'est-ce que t'es... J'ai besoin de ta sapience là. Comment peux-tu m'expliquer ce phénomène du jogging là? C'est ce que tu... Ah ben le retard cognitif, hein, tout simplement. Il est con comme un âne, le type. Hein. Enfin le type, l'animal. Oui. Donc il la Porsche, qui je crois qu'il est de location, semble-t-il. Ou alors un leasing, hein, mais. Donc il plante sa Porsche, parce qu'il a dû conduire comme un bougnou, là. Si vous voulez aussi qu'il y ait moins de morts sur les routes, c'est pas la vitesse. Hein. Il faut lever les bougnous et les nègres, et surtout les négresses. Bon, ça, c'est... Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'ai failli me faire tuer par 3-4 fois par des négresses. Bon, blague à part. Et bon, le type sort, il voit que la nana est au sol. Enfin, je crois que c'est une nana, hein, la victime. Il fait mine de marcher pour s'en aller. Il dit non, qu'est-ce que tu fais? T'en vas pas. Il revient, puis lentement, puis paf. Allez, donc il faut signaler à nos auditeurs qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont là, qui l'ont vu. Bon, tu regardes, il y a la plaque. Avec sa plaque, on retrouve... Ouais, il est au milieu d'eux, il le regarde, les mecs lui parlent et tout, machin. Donc il n'y a rien à faire, le type est identifié, identifiable de A à Z. Hein. Et non, c'est pas moi, je l'ai fait. C'est fascinant, hein, c'est fascinant. Moi, je sais déjà ce qu'il va dire à son procès, il va dire « je me suis senti menacé ». En précisant que la femme est par terre en train d'agoniser. Hein, oui. Ah non, mais la connerie des nègres, j'avais envie de le commenter. Peut-être que des auditeurs ont vu cette vidéo. Voilà. C'est un nègre, le rappeur, ou c'est pas un nègre, c'est un très gros nègre. Ah, je connais pas. C'est un très gros star, nègre. Rappeur, je connais pas. Moi. Oui, c'est un très gros nègre, un très très gros nègre. Ouais, donc lui de 68 approximativement. Là, vu quand même la petite scène, on est en dessous de 70, hein, clairement. Ouais, clairement en dessous de 70. Voilà. En tout cas, bon, ça fait plaisir, des nouvelles de la planète rap. Alors on poursuit notre revue d'actualité. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Christophe Barbier, que je vais faire écouter à nos auditeurs, qui nous annonce un peu le programme à propos de la vaccination sur le Covid, Covid-19, qui nous dit, de son point de vue, qui devrait être obligatoire, il ne fait pas de mystère, et puis tout un argumentaire pour expliquer comment il faudrait la rendre obligatoire, comment parvenir à cet objectif, comment convaincre les gens, finalement, de se soumettre à ce programme de vaccination à grande échelle. Alors, on l'écoute et on se retrouve. Le vaccin à peine annoncé, la question est déjà là. Faut-il rendre la vaccination contre la Covid obligatoire? Chose étrange, la France, pays de Pasteur, est plus rétive que beaucoup d'autres nations à la vaccination, une sorte de phénomène obscurantiste inquiétant. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Alors bon, il met sur la table le programme. Hein. J'aime beaucoup Christophe Barbier pour sa limpidité. C'est quelqu'un qui nous dit les choses telles qu'elles sont, telles que les pensent en fait les membres de la caste dominante, les membres de l'hyperclasse. C'est en ça il est extrêmement utile. Si vous en rappelez, il a aussi récemment indiqué en pleine semaine d'élection américaine qu'il fallait très très vite adopter le vote par correspondance. Hein, alors que l'on sait et que l'on va savoir, je pense d'ici une dizaine de jours, de quoi il retourne aux États-Unis. À mon avis, l'équipe légale de Donald Trump va arriver avec les premiers éléments concrets de la fraude à grande échelle qui a eu lieu aux États-Unis. Mais Christophe Barbier a immédiatement lancé le message sur les réseaux sociaux par son compte en tant que journaliste, hein, qu'il était grand temps d'adopter ce mode de scrutin. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment c'est le postier de l'hyperclasse, quoi. On est tenu informé. Et alors là, il nous le dit très clairement, la vaccination obligatoire, oui, j'aime beaucoup avec le ton, quoi. Il nous dit, oui, hein, c'est une évidence, ouais, il n'y a même pas vraiment de débat. Là où des questions peuvent se poser, c'est sur la méthode à employer. Alors il dit, il ne faut pas être brutal, comme il dit, on ne va pas employer des méthodes de type militaire. Bon, là, il essaye d'être grand seigneur, il dit, bon, rassurez-vous, on ne va quand même pas déployer l'armée. Par contre, la mort sociale et professionnelle, oui. Oui, ça c'est tout à fait faisable, c'est même souhaitable, c'est même ce qu'on va faire. Il dit, hein, voilà, vous ne pourrez plus aller au restaurant, de toute façon il n'y en aura plus, vous me direz, mais donc on ne pourra plus aller au restaurant, on ne pourra plus aller au théâtre, on ne pourra plus aller évidemment au stade, et puis on ne pourra plus vraiment non plus avoir d'activité professionnelle, si on est une entreprise, un chef d'entreprise, on ne pourra plus accueillir du public, etc. Donc on vous fait bien comprendre, là, enfin Christophe Barbier vous fait bien comprendre que le vaccin, si vous voulez, ne sera peut-être pas obligatoire légalement. Par contre, avec le dispositif de mesures qui accompagnera la vaccination dans les entreprises, dans les lieux publics, on va convaincre 99% de s'y soumettre docilement, sinon ils n'auront plus de vie. Alors voilà, le message nous est délivré. Qu'est-ce que vous voulez me dire à propos Alors j'hésite. Est-ce qu'il faut appeler ça de menace? Oui, on peut appeler ça de menace. Enfin, qui veut réagir là-dessus, là, sur ce propos de Christophe? Très à l'aise, hein, Christophe Barbier, hein, c'est quelqu'un qui... Oui, oui. Est-ce qu'on ne voudrait pas nous faire passer pour ce que les Juifs croient avoir subi pendant l'occupation allemande en France, par exemple? Non, ah. D'ailleurs, je rappelle que M. Barbier est marié à une juive. Hein. Bon, Kumar Cohen. Oui, Cohen, hein, donc, des prêtres. Hein. C'est que son écharpe est rouge. Oui, aussi. Et, je sais pas, moi j'y vois quand même. Et puis avec ce sourire hein, qu'il a. Ouais. Comme tu dis, c'est le postier de l'hyperclasse. C'est le postier de Jéhovah, peut-être. Hein, si, c'est quand même fascinant. Je pense qu'il y a des gens qui veulent se venger. Quoi, hein, qui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Dont la religion se base sur la vengeance et. Tu noies dans la vengeance de bout en bout. Quelle est-elle? Je ne vais pas vous faire un dessin. En tout cas, quelqu'un qui s'exprime comme ça, qui vit face caméra, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui est franc. Hein, il a une franchise totale, il nous parle, il face caméra, sous son nom, il nous dit voilà. Mais menacer le peuple d'un tel programme avec un physique de lâche comme le sien, ça nous dit quand même quelque chose. Ça veut dire que ce type bénéficie d'une protection évidente, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui appartient au sérail, il n'y a pas de problème, il ne s'exprimerait pas comme ça s'il n'avait pas la certitude de sa toute-puissance ou d'appartenir au camp dominant. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que ce mec-là, parce que vous savez, il essaie d'adopter un ton très naturel. Il a la jouissance du pouvoir. Oui, et puis il parle sur le ton de l'évidence. Vous savez, c'est le grand seigneur qui s'arrête pour parler à un gueux et dire, ah bah, tiens, en fait, mon bon, approchez. Voilà. Et, comment dire, ce qui est bien avec Barbier, c'est que c'est une fenêtre sur les salons de l'hyperclasse. C'est-à-dire que ces gens-là parlent comme ça entre eux. Et ça nous permet de mesurer le fossé béant qui existe entre nous et eux, ce qui va les amener aussi à commettre un certain nombre d'erreurs. C'est-à-dire qu'ils ont un tel hubris qui, avec la même franchise, la même facilité que s'exprime Barbier, ces gens-là vont vraiment appliquer ça en pensant que ça va passer crème, quoi. Je ne dis pas que ça ne passera pas à crème, hein. C'est-à-dire, mais eux, en tout cas, de leur point de vue, ça va passer très facilement. C'est de l'ordre de l'acquis, de l'évidence. Bon, tout ça va se dérouler naturellement. Et j'aime ça chez Barbier. Parce que sans lui, on aurait toutes les boîtes de com, uniquement les boîtes de com, les trucs, les commentaires médicaux, les communiqués officiels du gouvernement, très techniques, sur le danger viral, etc., bon, qui était inexistant, vous l'avez bien compris, mais enfin, voilà, on devrait se contenter de ça, alors que là, pendant un bref instant, on sait comment les gens qui sont tout en haut réfléchissent. Et ça, c'est appréciable. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Qui d'autre sur Barbier et son projet? On peut même rentrer dans le projet lui-même. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, quitte à plus avoir de boulot et à plus pouvoir aller au restaurant avec votre copine? Comment vous vivez ça? Parce que... Peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur boulot, et du coup, ils n'ont plus de quoi aller au restaurant, donc ça les... Ça ne me dérange pas, mais pour avoir du boulot après par la suite, il faudra peut-être se faire vacciner. Bon, il n'y aura plus de restaurant entre nous, soit dit, mais bon, je veux dire. Reste à savoir, oui, je crois qu'il. Bon, Alexis peut-être est plus au fait de ce genre de choses, mais il était prévu de faire un passeport européen des vaccinations. Oui. Parce que, donc quelque chose qui serait peut-être numérique et oui. Qui ne pourrait pas être falsifié comme un bout de papier. Bon, pas comme une carte vitale. Ouais, donc oui, avec un lecteur, fait plus RFID ou autre, hein, sur une carte que tu passes pour dire oui, bon, bien, pas bien. ça serait peut-être ça. Ouais. Oh, bon, y a plein de choses qu'on pourrait dire de toute façon. Bon, déjà, comme on disait tout à l'heure sur la loi Kouchner, y a une loi qui existe, ouais, la loi de. Kouchner qui permet de refuser les tests et les vaccins. Donc déjà, ce que dit Christophe Barbier, ça s'oppose à la loi telle qu'elle existe. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que vos enfants, vous pouvez très bien refuser de les faire normalement vacciner, théoriquement. Alors ça vous amène dans une bataille juridique. Mais bon, on sait très bien que depuis déjà 2017, il y avait eu Macron avec Buzyne avait imposé 11 vaccins obligatoires. Oui. Donc, c'était probablement un retour d'ascenseur vis-à-vis de gens de laboratoire qui ont financé sa campagne. Bon, ça montre aussi une adhésion idéologique, bien sûr. Alors après, il y a plein de choses, c'est-à-dire, soit on parle de la vaccination historique, est-ce que c'est vraiment elle qui a fait en sorte que les gens vivent aujourd'hui plus vieux ? Bon. Alors, peut-être, en partie, je ne sais pas, je ne vais pas non plus avoir de point de vue trop définitif, mais ce qui est certain, c'est que sur la peste, par exemple, la peste a disparu. Alors, Jérôme Salomon, notre fameux croque-mort en chef israélite, nous avait dit, vous avez comparé justement le coronavirus à la peste. Alors, sur le plan de la mortalité, on voit à quel point il est pertinent et à quel point il disait vrai. Hein. Ouais. Mais sachant qu'il y a 35 000 morts en France ou 40 000 à la rigueur selon eux, et que la peste tuait une personne sur 4 ou 3 au fond. C'était vraiment terrible. Donc voilà, donc la peste, bah la peste, il n'y a pas eu de vaccin contre la peste. Par exemple, déjà sur un certain nombre de maladies, il n'y a pas eu de soucis. Après, il y a eu d'autres, justement, des vaccins qui ont eu des effets secondaires avérés comme tels. Hein, la sclérose en plaques, justement, suite au vaccin à hépatite B, c'est l'origine de la loi Kouchner suite à la protestation des gens. Il y a l'histoire de l'autisme qui serait liée au ROR, vaccin ROR, fabriqué par le laboratoire Merck, c'est tout le combat de Andrew Wakefield qui a fait le documentaire VAXXED sur YouTube, qui est sous-titré en français aussi, et qui est un Wakefield qui a rencontré Donald Trump. Il y a des photos à l'appui, puisque le fils de Donald Trump qu'il a eu avec Melania est atteint de légères tendances autistes, qui fait que Donald Trump serait conscient de certains dangers potentiels vis-à-vis du vaccin, bien qu'officiellement ils disent tiens, il faut des vaccins, etc. Pfizer, c'est super qu'ils en aient sorti un. Donc il y a plein de choses, mais disons qu'un vaccin, on peut mettre plein de choses dedans, quoi. Donc moi je sais pas ce qu'ils en foutent dedans. Alors on sait que voilà, il y a de l'aluminium qui est utilisé régulièrement, il y a du mercure, parfois aussi ils ont utilisé des éléments venant de fœtus avortés, c'est choquant. D'ailleurs les médias sont une perfidie terrible. Alors, je sais plus, c'était sur un média mainstream, j'ai entendu ça, c'est que le Regeneron, qui est un médicament avec lequel s'est soigné Donald Trump lorsqu'il a été atteint du Covid-19, alors peut-être qu'il a mis en scène justement son mal-être et son hospitalisation, mais en tout cas, il a dit, tiens, j'ai un nouveau médicament, Regeneron, et puis les médias l'ont critiqué en disant, mais regardez, ce salaud de Donald Trump a, utilisé un médicament contenant des éléments venant de fœtus avortés. Alors peut-être qu'il y a effectivement ce genre de choses dans le vaccin, dans le médicament Regeneron, qui n'est pas un vaccin. Mais ce qui est certain, c'est que Donald Trump, par un décret, avait interdit l'utilisation médicale ou biologique de fœtus avortés auparavant. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui a limité le sujet, c'était limité ce risque, c'était Donald Trump lui-même. Bon. Après, le vaccin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont obsédés par ces histoires de vaccins, mais quand les Russes ont dit les premiers qu'ils avaient un vaccin, ce qui est à mon avis un leurre, un peu un truc pas très dangereux, mais pas très efficace non plus, le Sputnik 5, à mon avis, en tout cas, ils ont sorti ça au début de l'automne, même en septembre, c'était prêt. Et là, l'Union européenne n'a pas dit tiens, on est intéressé, on achète. Ils ont attendu, comme par hasard, des laboratoires américains, Gilead, qui est tenu par... Donc le PDG serait Donald Rumsfeld, un faucon qui a voulu la guerre en Irak et tout ça. Comme c'est curieux. Avec un taux de réussite qui est décrété à 94,5%, vous voyez, c'est précis. Sur des tout petits échantillons de personnes, bien évidemment. Et à mon avis, on n'est pas sur ces taux-là, quoi. On n'a aucun recul par rapport à déjà son efficacité, la durée, parce que ils ont une efficacité, mais ils ont commencé les tests là très récemment. On ne sait pas si dans un an, il faudra en refaire, refaire un vaccin. Donc là c'est potentiellement, on prendrait perpète. Quoi. C'est-à-dire, tous les ans, elle va te faire piquer. Peut-être. J'ai vu des papiers dans la presse américaine qui disent que, voilà, il faut pro-vaccin, hein, des papiers pro-vaccin, pas anti-vaccin. Hein. Et disant, voilà, le vaccin Covid, là, il sera efficace entre 3 et 10 mois. Voilà, ce sera entre 3 et 10 mois, donc 10 mois quand il sera vraiment au point et tout, mais grosso modo, si tu veux, le discours, c'est pas un one shot, hein, c'est pas voilà, je te pique une fois, et enfin deux fois parce que je crois qu'il faut deux doses, et c'est terminé, t'es tranquille. Non, ils expliquent que voilà, c'est quelque chose qui a vocation à être fait tous les ans au minimum, hein, hein. En sachant bien sûr. Et ça, vous le voyez plus ou moins émerger aussi, que on nous dit que le virus mute. Il mute, le virus. Le virus, il mute. Donc, en fait, c'est un running gag, en fait, le truc. C'est ça qui est... Le but recherché est évident. C'est que le virus est une excuse pour prendre toute une série de mesures. Je pense qu'on avait déjà bien expliqué la semaine dernière les véritables motivations, mais on pourra y revenir. Mais de toute façon, l'idée, c'est que cette histoire virale permet de prendre des mesures d'exception. Il est hors de question d'abandonner ces mesures d'exception. Donc ne vous en faites pas, le virus va continuer à vivre et il continuera à présenter un risque, entre guillemets, au plan médiatique d'abord. Et puis si ça ne suffit pas, ils vont peut-être modifier eux-mêmes des virus. Enfin, ce virus-là, cette souche-là, pour le lâcher dans la nature. Hein. On a eu des exemples comme ça hein, par le passé hein, de virus apparaissant aux États-Unis, au Mexique et aux États-Unis, il y a quelques années, dont on ne connaissait pas l'origine et dont on savait que c'était d'origine humaine. Par contre, ils avaient analysé la souche, ils avaient vu que c'était quelque chose qui venait d'un laboratoire, mais ils ne savaient pas d'où ça provenait. Donc il y a déjà eu des tentatives en réalité de ce genre. Donc voilà. Et l'histoire de Wuhan, c'est ça. Hein, alors maintenant, quelle est la part de responsabilité des Chinois dans l'affaire? C'est difficile à déterminer. Le fait est qu'il y a la main, surtout les doigts de Monsieur Lévy. Dans ce laboratoire, bon, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Surtout au moment où sa femme Madame Buzyn, n'est-ce pas, est ministre de la Santé en France. Tout ça n'est pas le hasard. Tout ça n'est pas le hasard. De la même façon que c'est pas le hasard si, comme tu l'as bien dit, Alexis, quand les Russes ont annoncé avoir un vaccin. Circonspection générale dans les médias occidentaux, et quand Pfizer explique en avoir un, aussitôt emballement, ça y est, c'est bon, nous sommes sauvés, achetons-le vite, très vite, tu vois, ça c'est. Et puis aussi il y a l'affaire contre Raoult qu'on traîne devant l'ordre des médecins, parce que on sent bien que là la machine doit avancer, elle avance. Qui veut dire quoi que ce soit sur ça? On n'a pas tellement parlé de ce que dit Barbier, c'est-à-dire du fait que le programme, outre ces questions sur le vaccin, sa pertinence ou pas, c'est le contrôle des populations. C'est-à-dire que le véritable objet de cette vaccination, c'est le contrôle des populations, c'est de dire, voilà, non, si vous n'acceptez pas de rentrer dans cette gestion des populations, vous n'aurez plus de vie sociale et vous n'aurez plus de vie professionnelle. C'est ce que nous dit Barbier. On pourrait peut-être en parler un petit peu quand même de ça. Ça fait écho à toute leur volonté de contrôle dont on a parlé sur le plan financier, bancaire, le compte de chacun lié à l'euro numérique dont on avait parlé la dernière fois. Oui, il y a la surveillance globale de nos propos sur Internet et ailleurs. C'est un des aspects, une des continuités. Et puis si on n'adhère pas au projet, alors c'est vrai qu'on nous dit il y a la démocratie, il y a la liberté, on peut donner son opinion. On peut donner son opinion, mais sinon son opinion est contraire, qu'elle soit ou pas validée par des prix Nobel, hein, parce que par exemple Luc Montagnier, prix Nobel français, il a dit que le vaccin contre la grippe, c'était un des facteurs d'Alzheimer à cause de l'aluminium. Bon. Alors même si on a ce genre de référence, finalement, même si on n'est pas d'accord avec ce que nous racontent Macron ou Barbier, C'est la mort sociale, voire même la mort peut-être physique tout court. Après tout, pourquoi s'embêter à nous laisser vivre? Oui, et on y reviendra sur ce point-là. Quelqu'un d'autre sur le fait de se faire piquer sous menace de ne plus avoir de vie sociale? Oui, bah la mesure en elle-même, parce que je pense que c'est vers ça qu'on va se diriger, hein, et pas une obligation sous peine d'amende, puisqu'il y a des, comme tu l'as dit Alexis, il y avait la loi Kouchner. Et c'est vrai que cette tentative de contourner le droit de ne pas vouloir avoir de vaccin, parce que bon, pour des raisons X ou Y, ça ressemble quand même beaucoup à ce que fait un certain peuple pour avoir de la lumière le vendredi soir, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a oui. Ah, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait de la lumière. Puis là, il y a quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté qui l'allume la lumière, tu vois. C'est on se contorsionne, c'est le Talmud, hein, clairement. C'est bon, ouais. C'est pour ça que je vois la marque de Jéhovah dans cette affaire de A à Z. Hein. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il n'y aura pas d'interdiction légale assumée officielle, mais par toutes les mesures coercitives qui seront prises autour, les contraintes, etc., de fait, 99% des gens seront amenés à se faire vacciner d'autorité, même si dans les textes de loi, il n'y aura pas une loi obligeant spécifiant que c'est obligatoire. Voilà, ce n'est ça. Pas obligatoire. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est important de pointer du doigt cette hypocrisie toute. Oui, qui a un c'est le Talmud. Hein. Oui, qui a une odeur très très sémitique. Oui. Oui. Alors, vas-y, Fulbert. Je suis un peu surpris par cette annonce de Christophe Barbier. Parce qu'il prône déjà la vaccination obligatoire et ses conséquences pour la population. Moi, j'ai des amis comme vous, j'ai quelques connaissances, même si je reste souvent dans mon trou et que je n'en sors pas. Je m'aperçois que tous ces gens-là ont pris une position favorable à la vaccination, pratiquement tous. Et mieux... j'ai eu le cas récemment d'un ami que je croyais quand même, parce que c'est un ancien indépendant, que je croyais quand même plus ouvert, disons, à certaines théories qui sont les nôtres, car je lui parlais justement d'une dame en France, mais il y a eu 3 cas en Belgique aussi, 3 cas connus, d'indépendants ou de professionnels en tout cas, qui se sont suicidés suite au confinement, qui perdaient leur commerce, enfin bon, voilà. Et cette personne m'a répondu à peu près textuellement ceci, mais enfin, écoute, je ne peux pas te laisser dire ça. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux un suicidé que des millions de morts? Voilà, on m'a répondu ça. Un type, je vous l'ai dit, qui devrait être théoriquement ouvert à cela, puisque lui-même a été un indépendant. Alors, je me demande pourquoi Barbier annonce cela de cette façon. Parce que dans le fond, il suffit d'amener la vaccination dans un ordre normal, c'est-à-dire la vaccination est utile pour se protéger du virus, de la maladie, etc. Nous savons tous ici que les 2/3, si pas les 3/4 de la population, vont se bousculer pour se présenter au cabinet où on va les vacciner. Nous le savons. Je crois que nous ne pouvons pas nier cela. Il suffira dans ce cas à l'autorité d'attendre pour voir ce qu'il restera comme part de population qui ne voudra pas se faire vacciner. Et il sera encore temps à ce moment-là de lancer une campagne de presse disant que ceux qui n'ont pas été se faire vacciner sont un danger pour le reste de la population. Et qu'à partir de ce moment, on pourra, en gonflant l'affaire, amener les citoyens vaccinés à progressivement dénoncer et détester ceux qui ne se sont pas vaccinés et qui mettent leur santé en danger. Car rappelez-vous, le coût du masque, on nous l'a dit, ne sert pas à se protéger, mais plutôt à protéger les autres, ce qui est un moyen d'amener les masqués à s'en prendre directement aux non-masqués. Voilà. Je suis surpris que Christophe Barbier annonce la couleur aussitôt, aussi vite et de façon aussi nette, alors qu'en fait, je crois que c'est pire encore qu'il nous attend. Oui, c'est bien observé. C'est bien observé. Notamment le point quand tu dis qu'il va y avoir une queue pour se ruer sur les vaccins, c'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident. Mais bien sûr, oui. On a pu l'observer avec les queues que faisaient les gens dans certaines villes ou ailleurs pour se faire tester. Ils n'étaient pas malades, ils n'avaient ni la chiasse, ni la grippe, mais ils faisaient la file en respectant la distance, j'ai oublié le terme, obligatoire, le long des trottoirs. J'ai vu ça dans deux ou trois vidéos sur les réseaux sociaux. Et ces gens faisaient des queues de centaines de mètres de long, c'est pas plus, pour se présenter là où on allait leur flanquer un Q-tips dans le nez, ce qui est quand même extraordinaire. Mais c'est vrai que le fait de dire qu'on va qu'ils veulent rendre ça obligatoire, bon, même si bon, avec Barbier là, c'est nuancé, c'est une manœuvre talmudique, ça va susciter le doute, parce que dès que l'État va rendre obligatoire un truc, bon, comme on sait que il y a quand même pas mal de gens qui sont sceptiques, tu vois, dès que l'État dit oui, il faut faire ça obligatoirement, il faut. Donc c'est plus contre-intuitif qu'autre chose. Hein. S'ils veulent avoir le plus d'efficacité possible, effectivement, il faut dire oui, pour votre santé, vous devriez faire, mais c'est pas obligatoire, etc. Et là, tu aurais le maximum de gens qui iraient se faire vacciner. Absolument. Il y a une petite conclusion que je voulais tirer sur ce que j'ai expliqué. Lorsque l'on invoque, comme je l'ai fait, le fait d'avoir des gens masqués qui s'opposent aux gens non masqués parce qu'ils mettent leur santé en danger, ou bien de ceux qui seraient vaccinés, là c'est dans le futur, qui seraient vaccinés et qui en voudraient, suite à une campagne de presse ou dite d'information, qui en voudraient à ceux qui ne se sont pas vaccinés et qui mettent le restant de la population en danger, ça porte un nom. Les militaires appellent ça du psyops, de l'opération psychologique. Et l'opération psychologique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est presque à 90%, c'est de la subversion, tout simplement. Alors, en Suisse, ils ont des idées. Ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Et du chocolat. Un éminent docteur, qui est un conseiller spécial sur les questions de santé et d'économie, d'ailleurs, d'économie sanitaire, disent-ils, du Parti Socialiste, a fait une recommandation aux dirigeants politiques suisses pour faire face à la situation de cette vaccination de masse et des refus potentiels. Alors, je vous lis cet article de RTS. Alors, l'économiste suisse de la santé, Willy Augier, jette un pavé dans la mare en préconisant d'infliger de fortes amendes et de ne plus assurer de place en soins intensifs aux coronasceptiques. La proposition provoque le tollé du corps médical qui rappelle son devoir d'assistance inconditionnelle. Willy Augier appelle à prendre au sérieux les sceptiques du nouveau coronavirus. Dans un entretien diffusé mardi par les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia, il demande l'introduction immédiate d'une base juridique permettant de leur infliger de grosses amendes sans passer par de longues procédures. Les services de sécurité privée et la police des chemins de fer devraient également pouvoir imposer de telles amendes, réclame Willy Augier. Ceux qui ignorent volontairement les règles de distanciation sociale et d'hygiène doivent assumer la responsabilité de leurs actes, ajoute-t-il. Il propose d'enregistrer le nom des sceptiques du Covid-19 et, s'ils sont infectés par le virus, de ne pas leur accorder un lit dans des unités de soins intensifs en cas de manque de place. Un tel procédé pourrait servir de signal, constate l'économiste. Il faut souvent un malus pour que le système fonctionne. Alors, est-ce que ce système de malus vous convainc? Est-ce que vous aussi, vous pensez comme cet économiste? C'est bizarre d'ailleurs, on parle d'économie, économie de la santé. Est-ce que vous pensez comme lui, en fait, qu'il faut que les coronasceptiques soient listés et tués? Pas vraiment. Non, pas spécialement, c'est bizarre ça. Vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas... Non. Bon, pourtant c'est un homme bien, c'est un socialiste. Bah, le système chinois fonctionne, semble-t-il, aussi comme ça, avec des histoires de si on ne traverse pas dans les clous, on a des points en moins sur son passeport citoyen, etc., ce genre de choses, et après on a plus de difficultés pour accéder à des prêts, ou ce genre de choses. Bah là, ça voudrait dire, bon, ça suppose une civilisation de la surveillance globale, totale, donc c'est orwellien, comme on disait, mais c'est plus de la science-fiction, ça devient notre réalité, donc il faut absolument prendre conscience de la gravité de ce qui se passe et garder notre liberté de conscience, notre liberté de mouvement, notre liberté de penser, comme disait Florent Pagny. Vous n'aurez pas... quel âge a-t-il, ce ministre, enfin, quelle génération c'est un type assez jeune, hein. il a une cinquantaine d'années. Hein. D'accord. Ouais, c'est pas un vieillard de 90 ans, hein. Je veux dire, non, il a une cinquantaine d'années. Non, mais les vieillards, enfin, les vieux sont pas... Enfin, moi, je vais... Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est en pleine force de l'âge, il est oui. Il est au top dans son domaine professionnel, quoi. Hein. Il y a quand même les... Il sera donc un des premiers à se faire vacciner. Ah, il ne l'a pas dit, malheureusement. Et peut-être a-t-il du diabète ou de l'hypertension, mais moi, je vois quand même que la génération des boomers est particulièrement flippée à propos de ce virus. Il y a vraiment des gens qui ont peur de mourir. Et effectivement, ça peut se comprendre. Enfin, ça peut se comprendre. Bon, ils ont un rapport à la mort qui est très malsain. Hein. C'est la jeunesse. Ils sont jeunes pour toujours, ils ne veulent pas mourir. Et si nous... Oui, voilà, exactement. Aussi. Ils n'ont aucune transcendance. Enfin, pour la plupart, hein, bien sûr, c'est le trait général. Et le fait qu'il y ait des gens qui puissent mettre en danger selon... Hein, ils ont peur, hein, donc... Nous les mettons en danger, effectivement, dans leur logique, c'est normal de nous tuer. Hein. Tout ça découle d'une peur irraisonnable de la mort. Hein. C'est de rapport extrêmement malsain à la mort. Ils ne veulent pas mourir, et ils croient qu'ils ne vont pas mourir. Bon, malheureusement, ça, on y passe tous. Hein. Alors, Christophe Barbier serait peut-être un modéré, en fait. Oui, il est un peu en retrait. Il n'a pas été jusque-là. Il n'a pas dit ouais, il faudrait quand même. Il met une proposition. Il donne une proposition qui a toutes les chances d'être acceptée par la majorité des gens en France. Alors, je veux souligner un point quand même par rapport à ce que dit Willy Ogier, là, cet économiste de la santé, comme ils disent. Proche du Parti Socialiste Suisse, encore une fois, le Covid-19, en fait, est très peu mortel. Donc, quand il brandit cette menace contre les coronasceptiques, comme il dit, en réalité, ça n'a que très peu d'implications pratiques, puisque le Covid-19 n'est pas très létal. Hein. Il tue des octogénaires, la moyenne d'âge est aux alentours de 84-85 ans. Donc, ça ne se traduirait pas par des morts. Quand il dit ça, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas ignorer les chiffres, il sait très bien qu'il n'y a pas des millions de morts, etc. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire peur. C'est de faire peur non pas aux coronasceptiques, qui sont des convaincus, je veux dire, comme nous, qui savons très bien que tout ça est monté de toutes pièces, mais c'est ceux qui sont potentiellement gagnés par le doute. Vous voyez? C'est les gens qui peuvent se laisser tenter par l'interrogation, par la prise de distance, par l'hésitation, vous voyez? C'est ce ventre mou-là qui est visé par ces propos-là. C'est pas du tout les coronasceptiques convaincus comme nous, d'accord ? Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas à nous convaincre, même par la peur, vous voyez ? En revanche, les gens qui sont dans l'hésitation, qui pensent que le virus, il est là, il existe, mais en même temps, peut-être que c'est exagéré, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs, voilà. Quand ils voient ce genre de propos, ils disent « Attention, hein, attention, si vous commencez à dire que je ne sais quoi, sur Facebook ou sur Twitter, ou peut-être même à votre voisin que c'est pas vrai, etc. » Ah, attention, on va vous mettre sur une liste. Hein. il faudra pas venir vous plaindre après, etc. Alors ceux qui savent pas, qui sont pas dans la certitude comme nous le sommes, eh ben ils vont se taire. Et c'est là que l'on voit la main de la manipulation, parce que dans toutes les formations d'opinion, ce que il y a des minorités agissantes, ils en sont une, nous en sommes une autre aussi, évidemment nos moyens sont considérablement différents, mais enfin l'idée c'est de contrôler le gros des masses, c'est d'attirer le gros des masses à ses propres positions. Or, ce qu'ils redoutent visiblement, c'est qu'ils, en tout cas ce qu'ils pressentent, c'est qu'une partie significative de ces masses ont des doutes. Et là, maintenant, visiblement, les discours à caractère pseudo-scientifique ne suffisent plus, et on commence à recourir, c'est ce qu'on voit en Suisse donc, à des menaces à demi-mot, voire même ouvertes, en disant « Ah, si vous commencez à douter, on s'assurera que vous y passiez. » Ils ont comme public... des gens qui, comme je dis, qui ont peur. Donc ce discours-là, ça passe très bien hein, auprès d'une bonne partie de la population. Et c'est le principe de la fenêtre de Doverton. Hein. C'est-à-dire qu'on met un discours très, très radical, on pousse, pour avoir un résultat qui sera un petit peu en dessous, mais c'est ça. Le principe, c'est d'avoir comme ça une sortie des discours très, très radicaux qui touche une grosse minorité de la population pour tirer la totalité de la société vers des positions plus radicales. Et donc, juste en dessous, on a Barbier. Voilà, ça va être la mesure institutionnalisée, mais ça fait partie du même phénomène. Alors, en Allemagne aussi, il n'y a pas qu'en Suisse hein, que les choses bougent. Le gouvernement a pris des mesures. Voici un article cité par local.de sur ces mesures d'urgence d'exception qui sont adoptées et qui peuvent être prorogées indéfiniment. Alors, donc en Allemagne, une loi de lutte contre les infections permet désormais au gouvernement d'arrêter n'importe qui et de ne plus garantir, je cite, « l'intégrité physique des personnes ». Mercredi, le gouvernement fédéral allemand a ouvert la voie aux modifications de la loi sur la protection contre les infections prévue par la grande coalition des chrétiens démocrates, donc de la CDU, et des sociodémocrates du SPD, sous la direction de la chancelière Angela Merkel. Au Parlement, donc c'est-à-dire au Bundestag, 415 délégués ou députés ont voté mercredi en faveur de la réforme qui vise à donner aux mesures relatives au coronavirus une base juridique plus solide. 236 ont voté contre, tandis que 8 se sont abstenus lors du vote par appel nominal. Lors de manifestations, plusieurs milliers de participants se sont ralliés mercredi contre la modification de la loi, ainsi que contre les mesures actuelles concernant les coronavirus ou le coronavirus. Il y a eu des affrontements avec la police et plus de 100 arrestations. L'objectif de la loi réformée est entre autres d'apporter un soutien juridique aux mesures contre le coronavirus qui ont été prises jusqu'à présent par décret et de les concrétiser. Dans la loi sur la protection contre les infections, on ne parlait jusqu'à présent que de manière générale de mesures de protection nécessaires, etc. etc. Alors, ce qui nous intéresse ici aussi, c'est ça, les articles qui ont été modifiés sont les suivants. Donc, les articles 1, numéro 16, alinéa 16 et 17, limite les droits fondamentaux que sont l'intégrité physique de la personne, article 2, paragraphe 2, deuxième paragraphe de la loi fondamentale, la liberté de réunion, l'article 8 de la loi fondamentale, la liberté de circulation, l'article 11, paragraphe 1 de la loi fondamentale, et l'inviolabilité du domicile, article 12, paragraphe 1 de la loi fondamentale. Donc tous ces articles ont été modifiés au titre de cette loi. Mais le plus important, selon moi, c'est la loi sur l'intégrité physique des personnes. Donc l'État n'est plus tenu de respecter ces alinéas que j'ai cités. Donc l'intégrité physique des personnes, la liberté de réunion, la liberté de circulation et l'inviolabilité du domicile. Donc on peut empêcher les gens de se réunir, on peut les empêcher de se déplacer, on peut accéder à leur domicile de jour comme de nuit sans avoir à en justifier auprès des autorités quelconques. Enfin, voilà, la police peut faire ce qu'elle veut. Et l'intégrité physique, bon, bah, si vous arrivez un pépin, bah, l'État il n'est pas vraiment tenu de s'expliquer non plus. Voilà, c'est la maladie, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est en Allemagne. Donc, voilà, une mesure d'exception, me semble-t-il, qui vaut quand même la peine d'être citée, puisque, encore une fois, c'était considéré comme la base de l'Allemagne démocratique antifasciste, hein, qui était censée être donc la panacée. Et finalement, bah non. Non, finalement, c'est pas aussi nécessaire que ça. Petit commentaire là-dessus, je voulais juste l'expliquer, puisque ça a créé quand même des tensions un petit peu dans l'opinion publique allemande, même si pas tellement, hein, je veux dire, mais bon. Alors par contre, est-ce que ça, cette nouvelle doctrine, est-ce que ça concerne les êtres humains aussi, ou est-ce que ça concerne que les goy? J'aimerais savoir. Ça concerne les Allemands. Est-ce qu'on va empêcher des juifs de fêter Pourim, hein, si par exemple il y a un confinement, etc. Est-ce que là leur intégrité physique pourrait ne pas être ce qui est la visée même de l'État? Est-ce que non, non, ça sera pas évidemment pas la même chose. Non, je crois pas. Par contre, si des Allemands, hein, par exemple, des Allemands de l'Est, par exemple, hein, bien blancs, sont récalcitrants à rester chez eux et puis à sortir avec leurs papiers, voir leur commerce fermé, peut-être que là, oui, là, ce sera plus à propos, effectivement. Hein, ces gens-là n'ont plus de dignité humaine. Hein. Il y a les humains, puis il y a les autres. Hein. Encore une fois, bon. C'est peut-être, ai-je l'esprit mal placé, mais j'y vois une marque, encore une fois. Une marque, oui, tout à fait. Enfin bon, non, je veux dire, on nous a tannés pendant des décennies, et surtout le peuple allemand, hein, on les a tannés pendant des décennies à propos de leur loi fondamentale, etc., qui était la base du renouveau de l'Allemagne après 1945, et puis finalement, ni vu ni connu, c'est passé par pertes et profits, par les démocrates, hein, les partis historiques de ce système, qui nous disent finalement, mais non, mais bon, c'est pas si important que ça. Franchement, l'intégrité physique. Hein, bon, allez. On proroge. Voilà. On en rediscutera dans 6 mois. L'intégrité. Donc, on a l'intégrité physique des Allemands. On a des Suisses qui veulent tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec la vaccination. On a donc en France, un petit peu pareil, donc la mort sociale, plus le tribunal spécial, enfin le parquet spécial pour les gens qui expriment un avis divergent, hein, comparution immédiate. Oui, ça, c'est le projet de Moretti, oui, effectivement. Et de l'autre côté, on a la dignité de l'être humain, de la perle de la création, de la preuve même de l'existence de Dieu, qui est la prise en charge des Maorés dans les cailloux de l'océan Indien où il y a un drapeau français, hein, avec des millions d'euros. Bon, remarquez comme tout tourne bien rond dans cet Occident du XXIe siècle. Sur l'Allemagne et sur la Infektionsschutzgesetz, donc loi concernant l'infection, protection contre l'infection, il y aurait, alors bon, ça mérite encore confirmation, il y a un certain Andreas Noack qui est un médecin, qui était en train de faire un live YouTube, donc c'est quelqu'un qui critiquait les mesures gouvernementales sur le confinement et compagnie, les masques. Il aurait été arrêté, alors on voit la vidéo tournée, des policiers rentrer par effraction quasiment, enfin en train de dire Polizei, etc., puis en train de rentrer dans et de procéder à son arrestation. J'ai pas eu de nouvelles depuis, ni de confirmation, bon, mais en tout cas, si ça c'est vrai, c'est particulièrement inquiétant, hein, c'est sûr. Alors l'arrestation a eu lieu, elle a été filmée, elle est vraie. En revanche, on en ignore la cause à ce stade. En tout cas, moi, je l'ignore. Oui, mais sachant que l'on sait que c'est quelqu'un qui est toubib et qui a tenu des propos anti-confinement, etc., est-ce qu'il a été arrêté pour ses opinions, en réalité? plutôt que pour un crime qu'on lui reproche. Son seul crime serait peut-être d'avoir dit qu'il était opposé au gouvernement, mais de façon pacifique, j'imagine. Bah, c'est-à-dire qu'il nuit à l'intégrité physique des Allemands, dont le gouvernement allemand lui-même vient de, comment dirais-je, d'annoncer qu'il n'entendait plus la respecter. Bon. Voilà, non mais en gros c'est ça. C'est en fait, il est accusé de nuire, à, je présume, à l'ordre public et à la santé publique de la part d'un gouvernement qui fait passer des lois d'exception lui permettant, si vous voulez, de se laver les mains de la mort des citoyens allemands. Bon, c'est particulier. Mais j'ai vu cette vidéo, elle était assez impressionnante. J'ai bien aimé les cris là, Polizei, Polizei, avec des mecs en train de vociférer, mais je trouve que ce ne sont pas contre les bonnes portes que ces gens tambourinent. Je pense qu'ils auraient dû aller plutôt du côté de la synagogue du quartier, ça aurait été déjà beaucoup plus intéressant, ça nous aurait plongé dans une ambiance beaucoup plus, ouais, un petit côté nostalgie. Moi. Bah déjà c'est beaucoup plus rigolo, hein. Ça, oui, ça voilà. Sort un petit peu de léthargie. Hein. Ça, voilà, c'est ça, ça aurait été bien. Polizei, Polizei, avec des rabbins, etc., en train de flipper. Ça, j'aurais... Ah ouais, ouais, non, ça déjà c'est beaucoup plus, c'est... Je suis beaucoup plus preneur. Enfin, il faut pas préjuger de l'avenir, on ne sait pas, rien n'est écrit. Oui, oui, moi j'ai foi en l'Allemagne de l'Est. Hein. Oui, bah oui, oui, oui, je pense. Et puis même les flics qui étaient particulièrement remontés, etc., suffirait de les envoyer sur des pistes plus pertinentes pour assister à certaines choses utiles. Alors, puisqu'on parle des flics, parlons de la nôtre, de police. Et puis, puisqu'on parle des juifs, on va parler de Gérald Darmanin aussi, qui, comme vous le savez, il a le physique, hein quand même. On est quand même très éloigné de la Gaule avec Gérald Darmanin. Il a une gueule de français, quoi. Ah, il a un masque. Ouf, ah non, mais il a le masque, quoi. Tu vois. Puis il a la peau vert olive, là. Hein, bah, gris-vert, c'est ouais, vert de gris. C'est vert. C'est comme le bronze oxydé, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. On est sur une autre culture, quand même. Alors, voici. Alors, vous savez, ça a fait un petit peu polémique. Même pas mal. C'est la modification. Enfin, c'est une loi qui interdit. Enfin, c'est tout un package hein, de mesures. Ils appellent ça le plan de sécurité globale. Donc encore une loi, voilà, qui est censée permettre à la police de bien faire son travail. Enfin, hein, on attendait ça quand même. S'occuper des bougnoules qui crament des bagnoles quand même. Hein. Il n'y avait pas de loi pour réprimer ça. Bah, maintenant, il y en a une apparemment. Même si ça n'a absolument rien à voir, puisque le sujet ici, c'est d'empêcher les gens de filmer les flics lorsqu'ils interviennent, hein, pour pas leur nuire psychiquement. Alors voici un article de l'opinion.fr qui nous dit ça. Le controversé article 24 de la loi sécurité globale adoptée par l'Assemblée nationale, le travail législatif avance à grands pas. L'examen du texte de loi dit de sécurité globale a débuté mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale et son article 24, qui suscite parmi les plus vives critiques, a été adopté en première lecture vendredi. L'article prévoit de punir d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Les syndicats de journalistes et plusieurs mouvements de défense des droits de l'homme jugent qu'il restreindra la liberté d'expression. Une quarantaine de rédactions françaises ont reproché vendredi au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de vouloir porter atteinte à la liberté de la presse. Le Premier ministre Jean Castex a fait savoir jeudi soir que cet article serait amendé par le gouvernement pour lever toute ambiguïté sur son intention de garantir le respect des libertés publiques, notamment la liberté de la presse et la liberté d'expression. Lors du débat parlementaire, Gérald Darmanin a déclaré mercredi que les journalistes qui couvrent les manifestations devraient en outre se rapprocher des autorités pour être protégés. Voilà, il y a un petit côté chantage là. Des propos qu'il a corrigés par la suite. Le schéma national de maintien de l'ordre qu'il a présenté en septembre, a-t-il écrit sur Twitter, prévoit que les journalistes peuvent, sans en avoir l'obligation, prendre contact avec les préfectures en amont des manifestations. Donc, sous-entendu, pour éviter de se faire attaqué par la police. Hein. Plusieurs manifestations se déroulent samedi 21 novembre pour protester contre le texte, donc à Paris, etc. Alors, messieurs, donc deux choses. Il y a un nouveau plan, une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, hein, apparemment, et qui prévoit, enfin à la faveur de laquelle en fait le ministre de l'Intérieur en fonction a expliqué aux journalistes, donc de la presse établie, qu'il devait maintenant se faire encadrer par la police elle-même s'il souhaitait ne pas être blessé lors des manifestations. Bon, ça c'est en place depuis la nouvelle doctrine des Gilets jaunes, hein, ce truc-là. Oui, oui. C'est-à-dire que les journalistes devaient se signaler à la préfecture pour effectivement être placés dans un coin où ils filment ce qu'on veut bien qu'ils filment. Hein, donc en gros, les journalistes du privé ou du public sont le service média du ministère de l'Intérieur. C'est sympa, ouais. On vous place là, vous cadrez comme ça, c'est super, hein, vous allez voir, hein, ça va bien donner. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils prennent le risque de se faire péter la boîte crânienne à coup de LBD. Ou se faire arrêter s'ils ont de la chance. C'est ce qui s'est passé cette semaine, je crois, avec le journaliste de France 3. Qui est donc France 3, chaîne publique, donc, mais c'est une chaîne communiste. Hein. Oui, c'est une chaîne communiste. Ouais. C'est principalement composé de rouges du PCF. Donc un journaliste de France 3 s'est mis dans les manifestations contre justement ce projet de loi devant l'Assemblée nationale et a été arrêté. Et Darmanin a dit oui, non, mais. Il n'a pas pris contact avec le ministère de l'Intérieur, avec la préfecture. Il n'allait pas être là. Oui, il n'allait pas. Même la loi n'est déjà pas passée. La doctrine est déjà en place. Donc c'est pareil. C'est pareil. Ce qui se passe là avec cette loi, de ce que j'ai compris, c'est que les flics, alors, qui étaient déjà. Tu n'as pas le droit de faire un acte de nuisance à un flic. Il y a la gauchiste, Marie Accabland, je crois qu'elle s'appelait. Qui traquait les flics en dehors de chez eux et publiait ça sur un site. Elle a été condamnée. Dans la loi, il y a déjà tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Ils veulent que, quand tu filmes des flics qui tabassent des mecs, qui pètent des bouches ou qui. Oui, il y a des prolos. Des prolos comme dans les Gilets jaunes. Hein, c'est bien entendu par rapport aux Gilets jaunes. On se rappelle des gens qui ont eu le crâne éclaté. Les borgnes donc ça c'est au niveau image ça c'est pas bon, tu vois, c'est pour ça que les journalistes quand ils sont placés au bon endroit où il y a des belles images comme il faut, ça c'est bien, mais et il n'y a pas que les journalistes, c'est-à-dire que les journalistes sont mis sous pression, Darmanin explique le truc et voilà, mais ça vise d'abord et avant tout ceux qui participent aux manifestations et qui voudraient utiliser leur smartphone pour filmer les policiers. On leur dit il y aura des conséquences pour vous, hein. La loi existe déjà pour publications de vidéos qui sont dans l'optique de nuire à des policiers. Ça existe déjà, c'est déjà dans la loi, puisqu'il y a déjà eu des condamnations qui ont été actées par la justice. Là, ce truc-là, c'est juste, c'est un laisser-passer aux flics pour dès qu'ils voient quelqu'un qui file avec un portable, péter le portable et péter la gueule du gars. Ils auront le droit lors des manifestations. Je me sens menacé, en vertu de la loi tant à état, menacé psychiquement, on me harcèle, et il va te mettre. Donc il va te péter la gueule, il va te péter ton portable, il va te faire un procès et te tirer du pognon. Écoutez, si vous souhaitez. Les soutiens total et inconditionnels aux forces de l'ordre, allez bien vous faire enculer, s'il vous plaît. Hein, vous n'êtes pas de mon camp, vous ne serez jamais. Du moment que vous avez ces réflexes débiles de soutien à ça, hein, ces trucs-là. Ces gens-là se font. Est-ce qu'on voit des bavures de flics avec les nègres? Est-ce qu'on voit des bavures de flics avec les bougnoules? Rien, que dalle. Rien. Les gens marrons ne seront jamais inquiétés par cette loi. Il n'y aura que dalle. Les gens qui vont être inquiétés, c'est. Dès qu'il y a des soulèvements où on est, par exemple, je sais pas, des commerçants là, qui sont en train qui commencent à se suicider un petit peu partout, hein, ça y est, ça commence. On en a une première, je crois, une restauratrice qui s'est suicidée cette semaine. Ben, quand peut-être il y en a qui ne voudront pas suicider, qui feront des mouvements un petit peu, un petit peu musclés, eh bien, il faudra qu'on montre les images. Celle qu'on veut montrer, et que les flics quand ils veulent faire faire les marioles, hein, et casser des tronches, eh bien, ça se verra pas. Et en plus, on dira, même si tu as essayé de sortir ton portable, c'est presque si, comme si tu avais sorti un flingue pour ouais. le menacer, tu vois. Hein. Bon, voilà, stop, quoi, stop. C'est vraiment de la saloperie. Hein. C'est très, très, très, très sale comme truc. Alors, loi applaudie par Marine Le Pen, hein, ça va sans dire, qui a trouvé la loi un peu trop timide, hein, d'ailleurs. Elle a trouvé ça un peu trop timide, elle a trouvé que ça manquait. Quelle énorme chiasse, c'est celle-là, alors. Ouais, non, elle l'a dit à l'Assemblée, hein, j'ai écouté son intervention, elle trouvait ça, elle trouvait que ça ne nécessitait pas elle trouvait que c'était une loi qui était excessivement critiquée, très injustement, et qui, de par sa faiblesse, en fait, ne méritait pas de louange particulière. Donc elle était trop critiquée et trop surévaluée. Il aurait fallu en faire plus. Alors sur ce, Gérald Darmanin, vous savez, il y a des catholiques qui veulent assister à la messe. Alors comme nous sommes dans le projet du Grand Reset, d'ailleurs soutenu par Bergoglio, hein, le pape François, hein, qui est à fond dans le projet, on assiste en fait à l'élimination programmée, anticipée. En fait, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une grande dépression anticipée et programmée, hein, pour encadrer l'inévitable explosion des dettes souveraines et des dettes privées, la faillite des banques et tout ça. Donc ça, c'était prévu. Le Covid-19, en fait, est une excuse pour prendre les devants, contrôler les populations en vue de cette transition. Et, les tenants de cette philosophie qui se retrouvent autour du Forum de Davos, hein, Forum économique mondial, avec des gens très connus, Thomas Piketty, qu'on cite pas assez, qui est au cœur du journal Le Monde, là, et qui est aussi proche de Davos, il y a Karl Schwab, il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. On en avait parlé pas mal la semaine dernière, on avait parlé aussi d'euro numérique, hein, de tous ces projets-là, enfin tout ça avance très très très très vite. Et donc, ces gens-là, en fait, ils n'aiment pas beaucoup la religion d'une manière générale, sauf quand c'est l'islam, je vous l'accorde. Et alors, ils ont fait fermer les lieux de culte. Hein, donc, on les fermait pas pendant la guerre, mais maintenant, on les ferme. Donc, les derniers catholiques qui veulent assister au culte, eh ben, en sont privés. Et d'ailleurs, les autorités catholiques les plus établies, puisque il y a des évêques qui prennent position, envoyés par Bergoglio d'ailleurs pour ce faire, qui expliquent que maintenant, on n'est plus un bon chrétien si on va à la messe. Donc il y a un des envoyés de Bergoglio qui a dit ça, il a dit voilà, maintenant pour être un bon chrétien, c'est un évêque hein, quand même, hein. Il a dit voilà, pour être un bon chrétien maintenant, le plus important c'est d'être chez soi, c'est d'être confiné. Il faut être confiné perpétuellement, hein, c'est pas confiné un mois, hein, c'est confiné durablement, et qu'ils allaient créer une église domestique, c'est-à-dire une église de la maison. Voilà. Donc l'église catholique maintenant c'est rester à la maison, et ils ont même traité d'analphabète ceux qui voulaient assister à la messe en dépit de tout. Bon. Voilà, j'en avais parlé la semaine dernière, mais il faut le comprendre. Donc il y a des catholiques qui sont en opposition avec ça. Il y a des catholiques qui se retrouvent devant leurs églises, leurs cathédrales, pour dire, voilà, nous, on veut pouvoir pratiquer notre culte, comme normalement c'est permis, c'est toléré normalement, en tout cas dans les systèmes qui ne sont pas des systèmes communistes. Mais vous l'avez compris, les choses changent, nous basculons vers le communisme 2.0. Donc la religion, c'est un petit peu en trop. Et Darmanin a fait comprendre qu'il allait envoyer les CRS disperser tout ce beau monde-là, si ça persistait, quoi. Donc, liberté de conscience, plus tout à fait, hein. Et grâce à cette loi, hein, qui est l'article 24 qui est adopté, mais qui est déjà appliqué, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, parce qu'il y a des manifestations qui ont lieu autour de cette loi, et on a vu que les flics déjà disent à tout le monde « tu peux pas me filmer » et tout, et voilà, et les mecs se font tabasser, ils se font péter leur matériel. Et ben grâce à Marine Le Pen qui a applaudi cette loi, donc elle trouve trop modérée, et ben les catholiques qui veulent aller assister à l'office, et ben vont se faire casser la gueule sans pouvoir se faire filmer en train de se faire casser la gueule. Voilà. C'est bien, hein? Moi je suis content de voir que le RN donne la main aux pourfendeurs de la liberté de culte. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Bon, de la part de Marine Le Pen, bon, en même temps, une femme de gauche qui s'éclate sur Dalida en boîte de nuit, bon, pas trop demander non plus niveau spiritualité de faire acte de présence. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus ? Parce que, si vous voulez, sur l'article 24 et le fait que les flics vont pouvoir casser la gueule à tout le monde en toute impunité en empêchant les gens de les filmer, ça n'est pas pour aller démonter des black blocs. Hein. Les black blocs, quand ils arrivent dans les manifestations, c'est parce qu'on les laisse venir. C'est le pouvoir en a besoin. De la même façon... Ni pour péter la gueule des mecs qui leur tirent des mortiers de feu d'artifice. Non, c'est pas pour ça. Et Marine Le Pen, elle est là pour faire le service après-vente auprès des gogos. Et Marine Le Pen, là, ça c'est très important à comprendre. Hein. C'est là qu'on voit que le RN, Marine Le Pen et toute sa clique n'ont absolument rien de populiste. Ils n'ont rien. Les réactionnaires. C'est surtout que ce sont des gens qui sont à la botte de la République. Ce ne sont pas des populistes. Les populistes prennent la défense du peuple. C'est la racine du mot populiste. Bon, cette loi vise à pouvoir... L'objectif, c'est de pouvoir réprimer avec toute la latitude possible les futurs troubles sociaux qui vont inévitablement suivre ces confinements à répétition qui détruisent l'économie réelle. C'est ça l'objectif. Donc, l'économie réelle, c'est le peuple. Bon, Marine Le Pen est du côté du gouvernement, de la République, et même, en l'occurrence, de la République En Marche. Oui, donc, Marine Le Pen, c'est l'extrême droite de la République En Marche. C'est le centralisme, c'est le jacobinisme, avec ses forces répressives. Bon, allez, dans tout ce truc-là. Il n'y a personne en France qui émet l'hypothèse qu'on puisse... faire en sorte de libéraliser un petit peu tout ça. Alors libéraliser, c'est un gros mot en français. Je crois que il y a la moitié des gens. L'ultra-libéralisme. Oui, pour fond l'ultra-libéralisme. Mais si tu veux défendre le peuple, tu défends la milice. La milice, la sécurité privée, organisée, locale. Hein, oui, le droit de porter une arme, enfin tout ça. Mais... Ouais, porter une arme, ou même si c'est pas une arme, le droit déjà de s'organiser pour faire de la sécurité, même ça peut être considéré comme une ligue, enfin, ouais, comme les ligues d'extrême droite des années 30, ça peut être dissous. Donc, voilà. Marine Le Pen est là, ouais, les policiers, bisous, les policiers, bon, ça vole pas haut. Hein. Bah, le Rassemblement National, en gros, hein, c'est l'électorat policier et l'électorat des dom-toms. Oui, c'est un petit peu ça. Moi, ça me fait pas rêver. Hein. Deux, trois trucs dans dans l'Aisne, mais bon, c'est bizarre. Le département là, où ils ont les mairies, c'est un petit peu spécial quand même. Hein. Des pitbulls qui bouffent des bébés, bon, c'est. C'est une certaine philosophie, ma foi, qui t'a piqué ça. Ah oui, c'est spécial. Mais comment dire non, mais genre, c'est, il faut. Il y a le RN est vraiment aujourd'hui un parti de soutien au régime républicain intégralement. Pas du tout un parti du peuple, pas du tout un parti populiste, contrairement à ce que l'on peut dire. Et le vote de cet article en particulier. En témoigne, voilà, c'est simplement un en plus et en plus, sans, alors évidemment, elle a une rente de situation, mais sans en plus avoir la reconnaissance du système, c'est-à-dire que le système a même pas, si vous voulez, l'élémentaire courtoisie de dire merci à Marine Le Pen pour son soutien, d'accord ? Oh ben non. Elle va continuer à se faire cracher dessus en dépit de toutes les reptations auxquelles elle se livre. Pour expliquer tant au lobby juif qu'au régime d'une manière générale à quel point elle est là pour lui. Et je vous rappelle, et ne l'oubliez pas, que quand les Gilets jaunes avaient menacé d'investir l'Élysée et que l'Élysée était en état de siège, il y a eu un moment de panique en 2018, rappelez-vous, là, au plus fort des troubles des Gilets jaunes, aux alentours de fin novembre, début décembre, Marine Le Pen a condamné le mouvement des Gilets jaunes et a pris position pour la défense de la République, c'est-à-dire de la République juive. Et Marine Le Pen défend la République et défend une République dure. C'est ça. Marine Le Pen n'est pas du côté du peuple. Tu as la corde au cou, elle veut serrer le nœud. Tu vois, c'est ça. Je vous l'ai dit, le Rassemblement National, c'est l'extrême droite de la République En Marche. faut pas se tromper. Et il faut en faire litière rapidement. Et je tenais à le souligner dans cette histoire de loi là, préventive, parce que tout ça est voté préventivement dans le cadre des futurs troubles. Dans le cadre des futurs troubles. Car nous avons affaire, et là maintenant j'en viens au dernier point de cette émission, nous avons affaire à une entreprise de destruction consciente de l'économie privée, de l'économie réelle. Donc l'objectif, c'est d'abord c'est un plan qui s'appelle Agenda 2030, hein, qui a été théorisé à Davos, qui a été repris par l'ONU et toutes ses agences, qui désormais est soutenu publiquement par des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. J'ai vu que Trudeau en a parlé encore fin septembre. Hein. Il a indiqué soutenir les 17 points, parce qu'il y a 17 points dans cet agenda 2030. Je vous invite à en prendre connaissance. On appelle ça les 17 objectifs du développement durable. C'est comme ça que ça s'appelle officiellement en français. Qui vise en fait à ni plus ni moins qu'établir, qu'édifier le communisme 2.0, utiliser les moyens technologiques existants pour complètement transformer la société d'une manière radicale en prétextant diverses crises. Alors d'abord le Covid-19, mais d'autres aussi, et j'en viens et j'y arrive, pour complètement changer la structure de l'économie occidentale, étant entendu de leur point de vue que la bombe des dettes souveraines va exploser. Et si la bombe des dettes souveraines explose, si tout ce système statosocialiste qu'ils contrôlent avec cet endettement perpétuel saute, c'est une révolution. Ces gens-là ne veulent pas d'une révolution. Donc ils décident de passer le cap supérieur, d'aller au-delà du socialisme d'État, d'aller au-delà de l'État-providence, qui est la collectivisation. Donc on est dans la collectivisation, on arrive dans la collectivisation, ils ont pensé la collectivisation du 21e siècle, et ils ont des grands prétextes, le prétexte viral, vous le connaissez, le prétexte climatique, de plus en plus, et l'idée c'est d'abolir l'économie réelle, transformer le capitalisme, comme dit Karl Schwab, en fait c'est de l'abolir tout simplement, hein, l'économie libre, et d'abolir la liberté des gens. Et il y a un truc très intéressant, c'est notamment sur les questions des véhicules, vous voyez, de l'énergie et des véhicules. Il y a une criminalisation, et c'est de là qu'est partie l'histoire des Gilets jaunes. Hein. Ils voulaient taxer l'essence, en fait. Ouais. C'était Hollande qui s'était engagé à les taxer progressivement. Le but est d'évincer... Taxe écologique. Voilà, le but est d'évincer progressivement les énergies fossiles et les véhicules qui utilisent l'essence. Ils ont commencé par le diesel et maintenant c'est l'essence. Ils viennent de décréter leur interdiction en 2030 au Royaume-Uni. Boris Johnson, hein, gouvernement de droite, nous dit-on. Pourquoi ? Et parce que le véhicule à énergie fossile, le véhicule diesel, le véhicule essence, offre une liberté de mouvement, de circulation en population. C'est un très grand progrès réel pour du XXe siècle que le véhicule individuel. Ça a été une vraie marque de progrès. Ils veulent l'abolir. À la place, ils veulent des systèmes de transport collectivisés, au titre de la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr, dans lequel vous ne pouvez plus vous déplacer librement, quand vous voulez, où vous voulez, si le système ne le veut pas. C'est vers ça qu'on va. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, cette histoire d'énergie, et on vient au sujet, que ils prétendent électrifier la totalité du parc automobile dans le monde occidental, mais à ce stade, hein, je ne vois pas ce qu'ils comptent faire pour fournir l'énergie nécessaire, parce que c'est colossal, hein, ce qu'il faut fournir. Il n'y a plus d'infrastructure. Bah, on est déjà ric-rac, et là vous avez vu que Pompili nous a dit, on nous habitue déjà au rationnement, et tout ça est voulu. Il nous a dit, voilà, il va y avoir des coupures de courant cet hiver. Donc, on est censé basculer dans un système, dans les 10 ans, hein, d'ici à 2030, dans un système où tout le parc automobile est électrifié, dans un pays on est au bord de la rupture, théoriquement, parce qu'on nous dit qu'on va être au bord de la rupture, alors qu'on est au plus bas de l'activité économique pour des raisons de confinement. Mais on nous dit quand même, voilà, Pompili nous dit quand même, voilà, on va être en rade d'électricité, on n'en a pas. Donc, En tout cas, dans certaines régions, dans l'est de la France, on a fermé Fessenheim. Hein, oui. C'était décidé sous Hollande et ça a été acté sous Macron, si ma mémoire est bonne. Oui. Effectivement, dans cette région-là, il peut y avoir des tensions, même si, effectivement, avec la baisse de l'économie, les industries, certaines industries qui ont des machines et qui consomment beaucoup, consomment certainement moins. Mais je sais plus en gigawatts ce que ça représente. Le parc Fessenheim, automobile. Mais... Ah oui, non, le Fessenheim. Ouais. Non, Fessenheim. Mais pour ce qui est du parc automobile, il me semble qu'il faudrait doubler ou tripler le nombre de la production nucléaire d'électricité en France, qui est déjà très importante par rapport à d'autres pays qui n'ont quasiment rien en nucléaire, pour pouvoir avoir quelque chose de satisfaisant pour le parc automobile, pour fournir l'énergie. Là, je crois qu'il y a les Anglais qui essaient de faire des éoliennes. Hein, bon, ouais, mais tout ça sont des projets, c'est-à-dire que ce sont des projections. Des projets, oui, c'est des plans sur la comète. Voilà, c'est ça. Des projections, par contre, on dit, ouais, dans 10 ans, dans 10 ou 15 ans. Il n'y a plus de véhicules. Ans, hein, voilà. Il n'y a plus de véhicules, putain. Enfin, il n'y a plus de véhicules, dis-moi, à énergie fossile. À énergie fossile. Et c'est là l'arnaque, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, on va les interdire, on vous interdit vos véhicules à énergie fossile en 2030, voilà, il n'y en aura plus en vente. Excuse-moi, mais tous ces pays-là, et la France y compris, s'engagent pour une disparition du nucléaire. Une disparition du nucléaire, en tout cas, baisse de la production. Donc, c'est pas possible. Voilà, ces gens-là sont des fous. Attends, ils sont pas fous. Il faut préciser les choses. Oui, non, ils sont pas fous. Non, donc, mais, quand ils disent. Le projet qu'ils proposent, ce n'est pas viable. Ah, si, c'est très viable. Simplement, c'est viable, oui. C'est simplement, viable. L'arrêt, c'est-à-dire. Simplement, il faut l'expliquer aux gens. Ils ont très bien identifié qu'il va y avoir une baisse en raison de l'explosion des dettes souveraines. Et de l'impossibilité de renflouer les banques privées, ils ont bien compris, ils savent pertinemment qu'il va y avoir une chute du niveau de vie colossale dans les années qui viennent dans le monde occidental, à commencer par l'Europe. Ça, c'est la donnée. S'ils attendent que les dettes explosent, les gens vont leur demander des comptes. Ils vont leur dire, mais comment avez-vous consenti à un tel endettement si vous ne pensiez même pas devoir le rembourser un jour ou stabiliser la dette, etc. On demanderait des comptes aux politiciens et aux financiers, etc. Donc, ils le savent, tout ça. Donc, leur attitude face à l'inéluctabilité de l'explosion de la bombe financière qu'est la dette publique et la dette privée avec la crise monétaire que ça suppose en Europe, au niveau de l'euro, c'est d'organiser ce qu'ils ont appelé. Et là, je cite les théoriciens de Davos. Hein, ils appellent ça une récession programmée. C'est pas de moi, hein, c'est d'eux. Hein. Bon, on ne va pas vers une récession programmée, on va vers une dépression programmée. Donc, une chute radicale, drastique du niveau de vie, programmée, anticipée, organisée. Donc, le niveau de vie des gens va baisser, c'est inéluctable, ils l'organisent. Ça, c'est le fil conducteur de leur action. Maintenant, et ça, c'est plutôt de la relation publique, comment on vend un tel projet aux gens? Comment on leur dit, votre niveau de vie va baisser et vous devez vous en satisfaire? C'est là qu'ils arrivent avec des histoires apocalyptiques de changement climatique. C'est là que Greta Thunberg, une gamine de 16 ans, devient quelque chose. Alors qu'elle sort de nulle part et que c'est une création médiatique internationale. Hein. Ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas que cette jeune fille a eu un coup de génie ou je ne sais. On avait parlé de la genèse de l'apparition de Greta Thunberg. Donc maintenant, ces gens-là, ils disent, voilà, réchauffement climatique, Covid. Le Covid, ça a été l'élément déclencheur. Grâce au Covid, on a pu faire basculer le système dans un système de crise. Le réchauffement climatique, c'est ce qui va permettre d'expliquer le truc dans la durée. On va dire aux gens, ouais, mais c'est inévitable, vous comprenez, à cause du réchauffement climatique, il faut qu'on arrête l'utilisation des véhicules privés, etc. Ça, c'est la chute du niveau de vie. Pompili, elle arrive et dit, on va avoir des problèmes de fourniture de courant. Ah bon? Oui, il va y avoir des grandes vagues de froid. Ah bon? capacité à avoir dans le futur, c'est intéressant. Bon, il prépare les gens au rationnement, il prépare les gens à la baisse de la consommation, la baisse autoritaire de la consommation. Et quand on parle de la question des véhicules privés, où il s'agit de contrôler les mouvements de population parce qu'ils savent que des troubles sociaux arrivent, il faut en finir avec les véhicules individuels. D'accord ? Donc on va aller sur le tout transport collectif, on va faire des économies d'échelle, de leur point de vue, c'est ce qu'ils veulent faire, on va contrôler mieux les mouvements des populations. Donc quand on vous dit, on va tout électrifier, et quand vous creusez, vous dites, mais attendez, ils vont tout électrifier, mais avec quelles sources d'énergie ? Comment ils vont alimenter le parc ? Et vous réalisez qu'en fait, ils sont dans le même temps en train de vous expliquer que le parc est en train de saturer et qu'il va peut-être sauter, c'est ce que dit Pompili, et vous dites, bah, c'est pas possible. Donc, de deux choses l'une. Soit on électrifie tout, et il y a assez d'électricité, soit ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, en filigrane, c'est qu'il n'y aura pas assez d'électricité pour tout le monde, pour les véhicules individuels. Et en fait, c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'on va vers une réduction autoritaire de, comment dirais-je, du parc automobile. Tout le monde n'aura pas une voiture individuelle. Et j'ai vu que Macron est intervenu à l'Elysée l'autre jour, il a donné une interview fleuve à plusieurs journalistes, il est revenu sur la crise des Gilets jaunes, il a cité cette question du carburant, et il a dit, voilà, on a expliqué aux gens pendant 30 ans quel modèle de consommation ils devaient adopter, donc en gros un pavillon, deux voitures, etc. Il a dit, voilà, en 2018 ça a bloqué parce que on a essayé de le faire de manière autoritaire. Et là, en fait, Macron, dans son interview, il se présentait comme un type qui allait jouer les go-between entre l'hyperclasse, le programme de Davos et de l'ONU, et des grands milliardaires comme Bill Gates, Soros et compagnie, et la classe moyenne. Donc, il a dit, voilà, il faut les faire participer. Il a dit, il faut leur expliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut les convaincre, en gros. C'était très intéressant. Et ce qu'il voulait dire, quand il a cité le cas de la voiture, c'était très clair. Il a dit, voilà, le temps où vous aviez votre pavillon, vos deux voitures, c'est terminé. Mais ils ne le disent pas comme ça. Ils ne vous disent pas frontalement, les gars, votre niveau de vie va être divisé par deux ou par trois. Ils ne disent pas ça comme ça. Ils disent, voilà, l'écologie, c'est important. Ils disent, voilà, les ressources écologiques sont limitées, etc. Il y a tout un discours, comme on dit, voilà, il faut accompagner, etc. C'était vraiment frappant. Donc Macron ne dit pas tout clairement. Il tourne autour du pot, mais il essaye d'être un lien entre le programme des élites qui sont décidées, et Macron n'y peut rien, d'accord, parce que c'est-à-dire ces gens-là sont autrement plus puissants que lui. Et il essaye d'être utile. Il dit, voilà, j'essaye de faire en sorte que la population suive. Donc voilà, ça c'est le programme. Alors maintenant, j'en viens à l'énergie pure, et je vais citer Karl Schwab, donc le pape de Davos, celui qui est derrière ce Great Reset dont on parle, qui maintenant devient un vrai sujet de débat. Donc un reset, c'est une... remise à zéro. C'est l'organisateur du forum de Davos. Hein, c'est ça. Forum qui a invité Greta Thunberg en début d'année, ouais, ou fin d'année dernière. Hein. Oui, Soros est un invité annuel. Oui, il vient Soros, tous les ans. Thomas Piketty, tout ça. Oui, mais dernièrement, c'est surtout la femme patate, hein, l'enfant patate, ouais, la prêtresse de l'Apocalypse, qui a été reçue... en grande pompe, hein, ouais, tout à fait, par ses institutions et dans plusieurs parlements du monde. Alors, le Covid, comme j'ai dit, ça a été l'élément qui a permis de faire basculer le système consciemment, parce que ces gens suivent un programme, hein, comme ils appellent ça la récession programmée, en fait c'est la dépression programmée. Le Covid a permis de faire basculer les populations dans un état de crise. Rappelez-vous, Macron, quand il prend la parole en mars dernier, nous sommes en guerre. Tout ça est scénarisé. Hein. La semaine d'avant, il disait qu'il fallait aller au théâtre, si vous en rappelez. Donc le type est, il a à peu près une semaine d'avance sur nous. Hein. Je veux dire, il reçoit les notes à peu près une semaine avant nous. pas beaucoup plus. Alors, en fait, le Covid, ça risque de ne pas être suffisant. Karl Schwab prend la parole au forum de Davos, face caméra, il dit ceci. Nous savons tous qu'une cyberattaque globale pourrait entraîner l'arrêt complet de l'approvisionnement en électricité, des transports, des hôpitaux, de notre société dans son ensemble. Le Covid-19 serait considéré à cet égard comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. Utiliser la crise du Covid-19 comme une opportunité qui tombe à pic pour réfléchir sur les leçons que la cybersécurité et les communautés peuvent tirer pour améliorer notre préparation pour une cyberpandémie potentielle. C'est pas de moi, hein, une cyberpandémie potentielle. Donc les types sont déjà, je vais le mettre quand même à l'audio pour que les gens l'écoutent. Donc les types sont déjà en train d'essayer de vendre la cyberpandémie. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons the cybersecurity community can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic. Il explique bien ce qui va être ciblé, l'approvisionnement en électricité des transports, des hôpitaux, de notre société en général. Donc le système. Ces gens sont en train de choisir les pans de l'économie qui vont être détruits, parce qu'ils sont en train de la restructurer de manière autoritaire. Hein. Vous avez bien compris que les commerçants, les artisans, tout ça, ça l'économie non déclarée, l'économie au noir avec l'euro numérique, tout ça, ça va être euthanasié. Hein. Ça va être complètement euthanasié. Cette semaine, au Canada, donc le pays de Trudeau, hein, tous les médias se sont mis à parler d'un sujet, comme un seul homme, c'est celui des cyberattaques contre les infrastructures électriques du pays. Alors écoutez ça, ça vaut le coup. Le nombre d'auteurs de cybermenaces est en hausse et ceux-ci deviennent de plus en plus sophistiqués, alerte le Centre de la sécurité des télécommunications canadien. Ils jugent fort probable que ces pays, donc les pays qui sont soupçonnés de vouloir attaquer le Canada, cherchent notamment à perturber les infrastructures essentielles du Canada comme l'approvisionnement en électricité pour atteindre leur but. Ils pourraient également viser la propriété intellectuelle dans le domaine de la lutte contre le Covid-19, selon le rapport. Le document liste les menaces qui visent les citoyens et les entreprises du Canada, comme le cyberespionnage, le vol de propriété intellectuelle ou encore des campagnes d'influence en ligne. Les moyens les plus sophistiqués appartiennent aux auteurs de cybermenaces parrainées par des États qui sont motivés par des visées économiques, idéologiques et géopolitiques, estime le Centre de sécurité des télécommunications. Nous sommes presque assurés que les programmes parrainés par la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord posent les plus graves cybermenaces pour les Canadiens et les entreprises canadiennes, indique l'autorité canadienne en matière de cybersécurité. Le centre observe toutefois que beaucoup d'autres États développent rapidement des programmes similaires. Alors, messieurs, c'est le point numéro 7, c'est l'objectif numéro 7 de l'agenda 2030, de basculer dans un système d'alimentation en énergie durable, disent-ils. Hein. Donc, qui serait plus nucléaire ni énergie fossile. Schwab, qui n'est pas un idiot, a parlé des cyberattaques, en citant spécifiquement, en expliquant qu'on allait être victime d'une cyberpandémie, à côté duquel la crise du Covid-19 serait une petite perturbation, dit-il. Et maintenant, on a la presse canadienne qui commence à habituer l'opinion à des attaques. Et la même semaine, on a Pompili qui arrive en disant, voilà, on va faire face à des... on va devoir rationner l'électricité. Alors moi, je vous pose la question, vous pouvez élargir le débat, vous pouvez aller sur autre chose, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, comment vous réagissez à ce que je viens d'exposer là? Moi, j'ai repensé puisque tu as parlé d'informatique et de cyberattaque qui aurait lieu, justement à ce qui s'est passé avec les élections américaines. Alors, tout ça est en cours et on n'a pas de choses définitives évidemment là-dessus, mais il semblerait donc que les systèmes Dominion et Smartmatic, donc des logiciels, aient fortement, très fortement truqué les votes en faveur de Joe Biden, mais à hauteur de plusieurs millions. Là encore, on attend confirmation, mais il n'empêche que avec l'informatique, on peut faire beaucoup de choses. Et que moi, je pense aussi que, bon, du coup, je fais un peu dériver sur ce système Dominion et Smartmatic, mais ce système a été utilisé en tout cas dans d'autres pays. Il a été basé aussi notamment en Allemagne. Il aurait été utilisé au Venezuela. Donc, il n'a pas été utilisé exclusivement dans le cadre des États-Unis. Il était dans d'autres pays également. Donc, ça veut dire qu'il y a des gouvernements qui sont arrivés au pouvoir, probablement avec beaucoup de trucage. Donc, ces gens-là, si jamais Donald Trump parvient à ses fins, à mon avis, Trump pourrait mettre un certain nombre d'éléments sur la table en disant « Tenez, vous aussi, vous avez trafiqué, etc. » Bon, ça reste encore de l'ordre de l'hypothèse, bien sûr, ce que je dis. Mais je pense qu'ils ont peut-être aussi envie de devancer les choses et ils ont peur de se retrouver en difficulté. Donc, ils essaient de créer des menaces. Et donc, il y a la menace du virus, il y a la menace du terrorisme, il y a la menace du réchauffement climatique, il y a la menace des pandémies. Tout est bon pour nous faire peur et pour faire dévier les colères sur des choses imaginaires, alors que c'est eux qui devraient être la cible, évidemment, de la colère populaire. Je veux insister sur un point, hein. Ces gens-là sont des, donc les gens de Davos là sont des révolutionnaires et on bascule dans vraiment le néo-communisme. Donc on va vers l'annulation de la dette publique, l'annulation de la dette privée, l'établissement de l'euro numérique, la fin des, il n'y en aura plus de banques privées, ils vont éliminer les espèces, ils en parlent déjà. Donc le programme il est évident et Donald Trump a régulièrement exprimé son... Enfin, il refuse, il bloque ce projet pour les États-Unis, avec des conséquences évidemment dans le monde occidental, parce que lui sait que ce serait la fin de l'économie. C'est un businessman, faut pas perdre de vue ça. Donc il a un instinct de businessman, il a aussi évidemment une psyché américaine qui fait que il sent bien que ces gens sont des gens de gauche radicale qui utilisent le virus pour parvenir à la mise en place de ce système néo-communiste. Ça, il l'a bien compris et il refuse. Et c'est là qu'intervient effectivement ce qui peut être assimilé à une cyberattaque, qui est la manipulation d'élections américaines. C'est une cyberattaque. Ils ont utilisé le fameux logiciel, le Hammer, qui s'appelle le système Hammer, qui a été créé par l'armée américaine et puis par puis utilisé par la CIA, et avec Scorecard, qui est un logiciel de manipulation des élections. C'est une cyberattaque. Quand Karl Schwab dit, voilà, on va utiliser... Enfin, il dit pas ça comme ça. Il dit, voilà, il y a le risque d'avoir une cyberattaque, une cyberpandémie, à côté duquel le Covid-19 paraîtra pratiquement anodin, compte tenu des conséquences. Et il nous dit, voilà, ça va viser le système d'alimentation en électricité. Puis ensuite... Vous voyez dans la presse canadienne, avec Trudeau qui dit clairement, je veux dire, il prend la parole, il dit « Agenda 2030, les 17 objectifs, etc. » Vous voyez la presse canadienne qui dit « Attention, on va être victime, on pourrait être probablement victime d'une attaque, d'une cyberattaque contre notre système d'alimentation en électricité. On a déjà les coupables, c'est la Russie de Poutine, c'est la Chine, c'est l'Iran. Enfin, » je veux dire, ces cyberattaques viendront de l'intérieur. Comme lors des élections, elles sont venues de l'intérieur. Et ces gens-là organisent la baisse du niveau de vie. C'est la grande dépression programmée. Programmée parce qu'inévitable. Et eux, ils veulent rester en haut de la pyramide sociale. Ils ne veulent pas de révolution. Donc ils l'accompagnent. Et ils vont utiliser effectivement des cyberattaques. Alors imaginons simplement, hein, pour nos auditeurs, mais projetons-nous, une cyberattaque vise tout le monde occidental. Ici ou là, peut-être des régions, peut-être des villes, peut-être une centrale nucléaire ici ou là, pas au point de la faire exploser bien sûr, hein, mais juste de quoi faire peur aux gens. Imaginez en France. Imaginez en France, je veux dire. S'il y a une centrale nucléaire qui explose quelque part dans, non, dans pas un exploser. Pays un petit peu bruit. Je dis pas exploser. Ouais, je dis simplement qui va, voilà. Qui va chauffer. Quoi. Voilà, faire chauffer. Mais de quoi foutre la trouille aux gens? Oui, alors, vous allez vous prendre un Fukushima sur le coin de la gueule, etc. Mais attendez, mais les gens seront hystériques. Ils vont faire le sitting devant les centrales nucléaires. Ils vont. Ouais. Bon. Et vous aurez des discours dans la presse en disant, ah bah voilà, on peut plus vivre comme avant, on peut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants, risquer d'avoir l'explosion de centrales nucléaires. La sobriété voilà. Heureuse. Ouais, ouais. Non mais vous voyez pas le truc arriver? Ah bien sûr, bien sûr. Ouais, ce qui se risque aussi d'arriver, c'est s'il y a vraiment ce qui est en train évidemment très largement de se passer, mais pour l'instant on dit que c'est provisoire, même si nous on a compris que ce serait durable. Des gens qui, quand même, ont un certain niveau, qui sont des ingénieurs ou des entrepreneurs ou des médecins, ou qui, eux aussi, sont affectés par leur niveau de vie, et qui, jusqu'à présent, voyaient en Europe de l'Ouest, comment dire, un certain art de vivre, une certaine liberté, les restaurants et tout ça, bon, les boîtes de nuit, qui vont réfléchir plutôt deux fois qu'une à quitter le pays. Donc, il y aura déjà beaucoup d'élites, de gens qui ont fait des grandes écoles, qui allaient aux États-Unis, en Asie, aussi un peu en Russie, par exemple, ou dans plein d'autres pays, finalement, puisqu'aujourd'hui, on peut travailler beaucoup par le biais d'Internet. Là, il y aura aussi une volonté d'exode. Finalement, on pourra se retrouver un petit peu comme l'URSS, où il était les dirigeants soviétiques considéraient leur propre pays comme un paradis, le paradis socialiste, et il était interdit de quitter ce paradis. C'est-à-dire, si jamais on n'avait pas le sentiment qu'on était dans un paradis, on avait plutôt le sentiment d'être dans un enfer, mais on n'avait pas le droit de quitter le pays, et on était bon pour l'hôpital psychiatrique ou pour le goulag. Et ça a déjà commencé il y a grosso modo 10 ans. Il y a des tas de gars d'UbiFrance, maintenant c'est devenu Business France, si je ne me trompe, qui ont décidé de se barrer vers les postes où ils avaient été nommés et de ne plus revenir. Quand vous savez qu'avec l'euro digital, ils connaîtront l'historique de toutes les transactions, donc potentiellement sur des années et des années et des années, imaginez ce que ça peut donner. Parce que les gens ont dans l'idée qu'on aurait une structure centrale européenne qui serait bienveillante, mais attendez, les gens là de Davos, c'est pas des gens bienveillants, hein. Des gens qui sont prêts à utiliser des cyberattaques pour déstabiliser de l'intérieur le système, afin de mettre en place de manière autoritaire le type d'économie contrôlée, dirigée qu'ils veulent, ce ne sont pas des gens bienveillants. Hein. Ces gens sont des prédateurs. Hein. Ils veulent rester en haut de la chaîne alimentaire. Hein. C'est ce qui les anime. Donc, quand ces gens-là auront ce système en main, croyez-moi bien que ça ne sera pas pour faire preuve de bienveillance. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se familiariser avec Monero pour leurs propres transactions. Parce qu'ils vont éliminer. Un des buts de l'euro digital, c'est d'éliminer l'économie, ce qu'on appelle l'économie au noir. Il y a beaucoup d'artisans, pour survivre, qui recourent, en partie du moins, au noir. Le but de l'euro numérique, c'est d'en finir avec ça. Les gens vont me dire, bah non, mais c'est pas possible, parce que sinon, il y a des tas d'artisans qui vont mettre sous la porte. Oui, bah, c'est ce qu'ils font avec le Covid-19, avec les restaurateurs, les boîtes de nuit, les salles de concert, ils n'en ont rien à faire. Ces gens sont des révolutionnaires. Et ils jouent leur vie aussi, ils jouent leur survie sociale. Comme je dis, ils veulent rester en haut de la chaîne alimentaire. S'il faut faire disparaître les petits propriétaires, et de toute façon, pour eux qui sont des socialistes, les propriétaires sont un problème, ils représentent un ennemi de classe, ils iront jusqu'au bout. Donc Monero permet de contourner ça. Parce qu'on ne peut pas tracer Monero. Alors que Bitcoin, on peut le tracer. Donc, je sais que c'est contre-intuitif, parce que les artisans, bon, aller chez une grand-mère, poser du carrelage, lui demander de payer en Monero, c'est sûr que c'est pas possible, il y a un fossé générationnel. En revanche, si dans votre branche, vous avez affaire à des gens assez jeunes, on va dire, qui ont en dessous de 30 ans, il y a de fortes chances pour qu'ils soient quand même un peu familiers de ce que peut être Bitcoin, etc. Donc n'hésitez pas à faire adopter Monero comme moyen d'échange. Ouais, et puis même si vous employez des artisans à droite à gauche, ouais. Essayez de leur parler un petit peu de tout ça, parce que ça va les concerner. Ils seront obligés de s'y mettre, ça va les concerner tôt ou tard, et c'est vrai que c'est une technologie vraiment intéressante. Quoi. Ouais, de la même façon, et vraiment, parce que vous allez... Pour transfert, si vous devez vous barrer, là, parce que bon, ce qui se met en place ne tend pas à une société paisible qui respecte votre dignité humaine, hein, comme on a dit depuis le départ. On tend vers tout l'inverse. Si vous devez vous barrer en catastrophe, c'est vous barrer avec un wallet, donc un compte Monero. Bon, ça se met sur une clé USB ou sur un fichier. C'est assez simple à transporter. Transférer des sous d'un compte sur le système international, c'est un petit peu moins facile. Hein. L'État français peut dire oui, mais attention, vous n'avez pas le droit de transporter plus que 500 € d'un pays à l'autre. Enfin, bon, c'est jamais. Si vous n'avez pas l'autorisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront le droit de faire circuler des milliards, mais d'autres n'auront pas le droit de déplacer plus de 500 balles, bon, d'un pays à l'autre. Ouais. Il faudra des licences pour exporter les capitaux, peut-être. Il y a déjà, d'ailleurs, dans nos pays, enfin en tout cas en Belgique, je suis convaincu que c'est le cas en France aussi, des mesures intermédiaires. Par exemple, en Belgique, vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez retirer de l'argent liquide, une somme relativement importante de votre banque, je veux dire de votre compte en banque. Mais la banque se réserve le droit, tenez-vous bien, de renseigner à je ne sais qui, mais c'est un organisme d'État, la raison pour laquelle vous avez retiré de l'argent. Bref, vous devez justifier à partir de 3 000 € en liquide que vous commandez naturellement, vous devez justifier l'usage que vous allez en faire. Bah en France, ils ont carrément interdit l'utilisation du liquide au-dessus de... J'ai oublié la somme, mais c'est une somme assez faible. Hein. Je crois que c'est... J'ai plus le chiffre. En fait, je crois que c'est 1 000 € ou peut-être un peu plus. Mais je... Non, un peu plus. Enfin, à un moment donné, il me semble que c'était autour de 3 000 balles, mais ça a peut-être baissé. Ça a baissé, je crois. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est... Voilà. Donc, non, on va vers quelque chose de très moche, et vraiment, là, pour le coup, l'histoire des cyberattaques organisées de l'intérieur par ces gens-là, pour précipiter la crise et éliminer les pans de l'économie dont ils veulent se débarrasser, dans le cadre de leur dépression programmée, là, j'y crois totalement. Mais, petite anecdote en passant, petit rappel, il y a un ancien dissident russe qui est décédé en 2019, qui s'appelle Vladimir Bukovsky. Et le type avait sorti une vidéo que l'on trouve toujours sur YouTube où il compare l'Union européenne à l'ancienne URSS en disant « Voilà, moi, j'ai été dissident, on m'a mis en prison dans un hôpital psychiatrique. » Et il avertit les Européens, il dit j'ai vécu dans mon passé, j'ai vécu votre avenir. » Et en fait, il était en dessous de la réalité, à mon sens, parce que ça ne concerne pas que l'Union européenne, ça concerne tout le monde occidental. Et il le dit, vous allez tout droit dans une nouvelle Union soviétique. Ouais. Oui, et attention, ça concerne le monde occidental, et par voie de fait, ça concernera tout le monde, puisqu'il y aura des lois sociales, environnementales, ou des trucs comme ça, pour dire que si les pays ne respectent pas telle ou telle mesure concernant les émissions de gaz à effet de serre ou autre, eh bien on ne pourra pas commercer avec eux. Hein, ils seront l'axe du mal. Je pense qu'on va vers là. Donc c'est appelé à s'uniformiser au-delà du monde occidental. D'ailleurs, moi je me demande si quelque part, avec l'épidémie, la pseudo-pandémie là, du coronavirus, où l'on voit pas mal de petits commerces tomber, hein, faire faillite, fermer, etc. Je me demande si on ne se dirige pas tout droit vers les universams, ces fameux magasins en self-service où les soviétiques faisaient leurs achats. Ça a déjà commencé. On voit des boutiques ouvrir dans le centre de Rennes, notamment, je crois. J'ai eu une information comme ça où on pouvait se servir soi-même. Bon, je sais plus exactement quel type de produits sont vendus, mais oui, pourquoi pas. Ou alors, plein d'enseignes qui seront rachetées aussi par des grandes chaînes de type McDo et tout ça. Ouais. Ça, il y aura le droit, parce qu'il y a le droit de faire du à emporter. Donc, Oui, puis quand vous entendez ce que dit Barbier, qui annonce carte sur table, que bon, les élections seront truquées ad vitam aeternam grâce au vote par correspondance, Covid oblige, n'est-ce pas? Et que finalement, si vous refusez de suivre, bah, vous serez mis à mort socialement, parce qu'on vous laissera pas sortir de votre domicile, qui ne vous appartiendra peut-être plus d'ailleurs, puisqu'on aura suspendu la propriété privée à terme. Bon, ça devient un monde un peu bizarre, vous voyez, c'est la RDA, hein, en gros. C'est la RDA, mais avec Internet. Je crois que c'est ça le programme. Hein. C'est la RDA. C'est la Chine. Ah non, je pense que... La Chine avec des nègres. Ah non, je pense que la Chine, pour le coup, au plan économique, va rester un pays capitaliste. C'est-à-dire un pays où la liberté d'entreprendre existe, la liberté d'innover existe. Enfin, ça restera, alors qu'en Europe... En tout cas, au niveau du contrôle social. Le contrôle social, oui, il existe. Et c'est tout à fait juste. Mais quand tu vois le contrôle social que cherchent à exercer les autorités chinoises en Chine, ce sont par exemple des choses qui sont finalement assez bénignes, c'est-à-dire essayer de contraindre les gens à respecter le code de la route, ne pas avoir des comportements antisociaux en agressant les autres, etc. Bon, on peut être sceptique, si vous voulez, quant au caractère invasif de ce type de système, mais enfin, les valeurs qui sont promues par le crédit social chinois ne sont pas des valeurs, je veux dire, des valeurs de sociopathes. En revanche, en Europe, les valeurs qui sont promues, ce sont des valeurs de sociopathes, c'est-à-dire c'est la préférence étrangère, c'est le LGBTisme radical, c'est la haine de l'homme blanc, enfin, je veux dire, c'est le sida mental, quoi. Hein, qui, oui, donc, oui. Si on a le crédit social, ça sera pour forcer les gens à adhérer à cette idéologie sidaïque, quoi. Je veux dire, c'est... ce véritable cancer, donc. Je crois que tu peux franchement parler d'idéologie de mort. Oui, tout à fait. J'ai lu une citation sur Internet d'un Anglais qui était, je ne sais plus, il était médecin, je ne sais plus dans quel domaine, il était philosophe, écrivain, un type qui s'appelle Bertrand Russell, je ne sais pas si vous connaissez. Et le type fait, il y a une citation de lui, qui dit à peu près ceci, la vie ne se résume finalement qu'à une chose, c'est le combat pour être criminel plutôt que victime. Il faut réfléchir à ce truc-là, parce que ça explique beaucoup de choses. Vous avez compris le sens, être criminel ne signifie pas faire le crime, mais signifie éliminer l'ennemi, celui qui vous empêche de vivre ou qui veut vous régler votre compte. Regardez l'actualité aujourd'hui avec l'immigration. Hein, on en parle assez souvent, hein, quand on voit comment la justice s'en prend aux agresseurs dans la rue lorsqu'ils sont, pour un peu, qu'ils ont une couleur de peau de merde, hein, et comment ils s'en prennent aux blancs. Ça a encore été dit tout à l'heure dans cette même émission, plutôt. Et c'est une véritable pulsion de mort. On a parlé ici de droit de la propriété privée. Regardez cette loi qui permet aux squatteurs, s'ils occupent une maison qui ne leur appartient pas depuis plus de 48 heures, ils peuvent y rester. C'est véritablement une politique de mort pour la population blanche. Oui, oui. Excuse-moi, je vais peut-être conclure, mais le... moi, c'est comment dire, cette politique là de dire on fait tout ça par rapport au réchauffement climatique, d'une part, et d'autre part aussi parce que peut-être les énergies fossiles vont baisser, donc pour éviter qu'il y ait une montée des prix brusque, on irait ralentir l'économie, enfin faire des mesures comme ça un petit peu autoritaires sous prétexte de mesures sanitaires pour notre bien, je n'y crois pas, justement parce que c'est les mêmes gens qui professent ça, ce sont les gens qui veulent que nous soyons noyés de nègres. Donc ces gens-là mentent obligatoirement. Voilà, ce qu'ils racontent à ce propos, c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Oui, je suis d'accord. Bon, en tout cas, on continuera à suivre tout ça de près. Mais je pense que les gens, nos auditeurs, commencent à se familiariser avec cette histoire de Great Reset, de Forum économique mondial de Davos, de ces cadres intellectuels, Karl Schwab, Thomas Piketty, George Soros, parmi d'autres, l'utilisation qui est faite du Covid-19, les véritables intentions économiques de ces gens-là, les gens qui veulent éliminer, notamment le fait les petits propriétaires, les petits patrons typiquement ennemis hein, du socialisme en général, ils veulent les anéantir et anéantir la liberté de la classe moyenne en général. Hein. Donc on est vraiment face à une entreprise d'asservissement complet. Et oui, le réchauffement climatique est un mensonge et ces gens sont prêts à tout. Alors je vous dis à la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine.